monstrueux celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, le Loup Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brise. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, c'est l'émission 20 donc de cette saison 3 de Sport & Chill. On doit être à peu près à la moitié de la saison là. Déjà. Déjà beaucoup de choses et une moitié de la saison et grosse émission puisqu'il y a beaucoup de sport ce week-end et non pas des moindres compétitions hein, puisque on a les Jeux Olympiques qui viennent de commencer, donc les JO d'hiver de Pyeongchang, l'Open Sud de France qui vient de se terminer à Montpellier et donc Sport & Chill y était avec notamment une interview de Cédric Mourier, le directeur des arbitres à l'Open Sud de France. Vous verrez ça tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Avant ça, donc Ligue 1 et Serie A au football, mais aussi le retour du handball avec la Coupe de France ou encore la Ligue des Champions, puisqu'il y a aussi Ligue des Champions en handball. Mais aussi, on va parler Six Nations, là, ça va faire un petit peu moins plaisir parce que l'équipe de France a encore perdu, malheureusement. Et donc, au niveau du sport montpelliérain, il y a 5 victoires, 0 match nul et 1 défaite. Donc, bilan très positif ce week-end. C'est bon. Et puis, un quiz, vous verrez ça, spécial Six Nations. Malheureusement, pas pour Guillaume, un peu moins. Ça va être compliqué. Déjà que c'est compliqué habituellement, alors là. Donc on verra bien ça en deuxième partie. Du coup bah je vous présente l'équipe hein. Ce soir il y a Guillaume à ma gauche. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Il y a le retour hein, du skieur Théo. Salut. Ouais. Qui est sur flocon. Donc c'est bon. Un petit peu bronzé quand même. Petite étoile. Hein. Pas de blessure ouais. Non ça va. Il y a Yacine à droite qui nous parle là, d'ailleurs c'est Ria donc ça lui fait plaisir je pense aujourd'hui. Ah vous pouvez pas savoir à quel point, salut surtout messieurs. Que le Milan va mieux. Et puis à Romain toujours présent même s'il toujours a commencé debout. Son stage et quand même avec nous aujourd'hui. Malgré son look fan de droit quand même. Je resterai là toujours fidèle au poste et puis maintenant de retour pendant un petit moment et je suis surpris quand même de voir Théo, je pensais qu'il était de l'équipe de France de slalom géant et finalement il est de retour plus tôt que prévu. Non, les conditions étaient trop mauvaises. Moins 20 degrés, je peux pas. Ouais, il faut des exigences, c'est haut niveau quand même. Bon, allez, les gars, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et on va commencer avec le football. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui fais le retour sur le football, ça va être Yacine pour aujourd'hui. Oui, et donc, je suis là pour parler des résultats de Ligue 1 et de Serie A. Donc, on va commencer par le résultat du championnat de France. Le match de vendredi opposait Saint-Etienne à Marseille. Donc, on a eu le droit à un bon match. Plutôt bon match, oui, tout à fait. Assez serré finalement. Oui, avec un but des deux côtés de Monet Paquet et de Beric. Ouais, je tenais juste à dire, on a fait l'interview de Cédric Mourier, directeur des arbitres à l'Open Sud de France, et il nous disait que lui, Cédric Mourier, fan de Saint-Etienne, et qu'il a regardé le match avec Grosjean, donc directeur du tournoi, Sébastien Grosjean, qui est fan de l'OM. Du coup, ça a un peu grincé les dents à l'Arena cette semaine. J'imagine. Je te laisse continuer. Merci. Donc, Monet Paquet et Beric qui marquent pour Saint-Etienne, et but pour Marseille de la part de Thauvin, qui est son 14e but de la saison. Et des sacrés stats quand même. 10 passes décisives, donc encore le meilleur fois, français. Le meilleur français propre, sur la dynamique. Ouais, il aime bien le dire puisqu'il a mon petit gazon, hein, Thauvin. Ouais, oui, voilà. En tout cas, et moi j'ai Beric donc. Pour l'instant, il me contente, oui. Non. Et le but de Morgan Sanson qui fait le 2-2, donc avec un énorme raté de Mitroglou aussi. À la fin, ouais. On a vu ça qui a fait le tour de la toile ce week-end. Comme quoi, il y a pire. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de ratés ce week-end. Cornet. Ouais. Et puis. Puis Sanchez avec Manchester. Exactement. Ouais. Je l'ai vu aussi. J'ai pas vu celui-là. C'était plus étonnant de lui. Mais trop goût, c'est plus rassurant. Sanchez, c'est inquiétant par contre. Ouais. C'est bizarre quoi. Le match du samedi 17h opposait Toulouse à Paris. Donc Paris qui a longtemps buté sur Toulouse et qui a fini par débloquer la marque, je crois, à la 81e par Neymar. Donc on avait aussi eu droit à un gros troll de la part de... Ah oui, ils m'ont régalé. Honnêtement, ils m'ont régalé. Autant Toulouse, ils sentent rien, mais... Enfin, je parle du club, hein, bien sûr, pas la ville. Mais là, la troll cam, là, c'est un régal. Par rapport au footix qui aurait pu avoir lieu. Ah, ça a chambré. En plus, c'est sûrement vrai. En plus, sur les messages sur la vidéo, c'est sûrement vrai. Donc c'est très, très joli coup. Donc ensuite, les matchs de 20h opposés. Alors Angers à Monaco, donc victoire sans appel pour les Monégasques, 4-0. Doublé de Jovetic et un but de Radji. Donc Monaco qui se replace et qui, on en reparlera après, est deuxième au classement. à méditer aussi, hein, parce qu'on les voyait vraiment, ils étaient très très mal partis depuis le début de saison, et depuis janvier, on a l'impression que... Puis surtout, dans janvier, ils ont enchaîné les gros matchs, et ils ont été présents chaque fois. Ouais, l'absence de la Ligue des Champions, finalement, peut leur être bénéfique, comparé à ceux qui, à la Marseille, qui va jouer à la Ligue des Champions. Exactement, et puis les joueurs intégrés, qui semblent s'intégrer de plus en plus, qui est arrivé au mercato estival, Jovic qui commence à faire des bons matchs aussi, Victoire de Bordeaux face à Amiens dans la douleur 3-2. Victoire de Dijon face à Nice également sur le même score 3-2 avec un doublé de Tavares. Nice qui enchaîne deux mauvaises performances quand même contre Toulouse et contre Dijon quand même. C'est on avait pas non plus rassurant. Depuis, pourtant, on avait l'impression que depuis qu'il quelques mois, il repartait bien. Et, contrairement à Bordeaux quand même, qui était au fond du gouffre il y a 5 matchs et qui est là, il est juste derrière Montpellier d'ailleurs. Ouais, enchaîne 4 victoires d'affilée quand même. Depuis que c'est l'effet Poyette quoi. Une nouvelle dynamique quoi. Comme quoi. Bon, après, ils se font remonter en fin de match là contre Angers. Ouais, c'est pas non plus rassurant, mais bon. Ils se prennent 2 buts à la fin, ils se font un peu peur. Donc un bon match aussi comme on avait l'habitude depuis en fait on avait plus pris l'habitude de ce genre de match mais c'est un bon 0-0 qui a fait le résultat final entre Guingamp et Caen, donc pour ceux qui étaient amateurs de sensations fortes, c'était pas sur ce match qu'il fallait zapper. Le retour de Clément Grenier qui avait pas joué depuis son match, qui avait pas été titulaire je crois depuis mars 2017 à la Roma. Il est sorti du grenier quoi. C'est maintenant qu'il faut se sortir du grenier. J'allais la faire, tu vois. Maintenant faut mettre la poussière sur le tapis quoi. Faut qu'il se lance maintenant là, parce que là ça a vieilli. C'était clairement pas le match sur lequel il fallait zapper pour le match du samedi. Et victoire de Montpellier, donc on en reparlera après. Grâce à Sio. 1-0 grâce à Sio sur le terrain aussi, de Metz. Donc Frédéric Arndt qui ne nous a pas puni. On en parlera après. Les matchs du dimanche, alors le match de 14h a opposé Nantes à Lille, donc avec un doublé d'Emiliano Salah pour Nantes et les buts de Motiba et de Pépé pour Lille, donc match nul qui ne fait pas les affaires de Nantes et qui voit se rapprocher, on en reparlera aussi, Montpellier au classement, un point d'écart entre les deux équipes. Le match de 17h opposé Strasbourg à 3, victoire strasbourgeoise de but à 1 avec un but d'Aoulou et de Blayac pour les Strasbourgeois. Et enfin le match du dimanche soir à 21h, alors pour le coup grosse surprise, victoire de Rennes 2-0 sur la pelouse du Parc OL du Groupama Stadium avec un but de Kazri dans les premières minutes, un gros sur match, une énorme bourde de Marcelo et un but Marcelo, en contre-attaque qui tue les espoirs lyonnais à la dernière minute. On dit que Lyon a depuis qu'a fait le mug spécial PSG ils perdent, mais moi je pense que c'est surtout depuis que Romain est parti de Lyon. Peut-être une dynamique, ils ont perdu un gros membre de leur effectif. Mais en fait je pense surtout que Lyon depuis des années on a l'habitude de les voir taper les grosses équipes de Ligue 1, mais à chaque fois qu'ils jouent des équipes moyennes ça c'est très compliqué. Ça qui ressortit souvent, c'est dès qu'ils ont beaucoup de possession ils perdent parce qu'ils sont piégés, ils sont pas assez juste dans le dernier geste pour finir leurs actions en possession. Et surtout le coaching de Genesio qui intervient jamais avant la 75e minute quoi. Ouais, il est toujours dans la réaction. C'est toujours à la toute fin et du coup les dans gens le désespoir. Attention avec Pep Genesio s'il vous plaît. Attention. Juste pour réagir après je laisse enchaîner notre ami Yacine. Effectivement Lyon c'est l'irrégularité et c'est systématique qui marque vraiment leur saison et comme trop souvent pour moi c'est l'équipe du top 4 enfin hormis Paris, donc des trois poursuivants qui peut le plus élever son niveau de jeu sur les gros matchs. C'est ce que je pense aussi. Et qui, à l'inverse, est capable de perdre plus de points contre des équipes en tout cas plus faibles. Voilà. Alors en tout cas, c'est un sacré mystère. Assez remarquable de la part de Rennes et aussi. Ouais, ils ont fait le bon coup qu'il fallait en contre. Mais comme tu dis, pour réagir à ce que tu dis, autant Monaco-Marseille va me. Je vais trouver plus constant et dans le jeu, ça va être correct, voire très correct sur certaines phases. Comme j'ai pu voir Marseille d'ailleurs à Saint-Etienne, nous ont fait une plutôt bonne mi-temps, bonne première mi-temps. Et en deuxième, je les ai vraiment sentis très relâchés et c'était un peu plus flou. Monaco, c'est pareil, ils sont assez réguliers, ils font toujours des matchs moyens, mais bon, pour moi, c'est jamais l'extase quand je les vois jouer non plus. Comme on a vu contre Lyon ou Marseille, ils sont plus en gestion et souvent en contre. Et Lyon est capable pour moi de fournir vraiment du jeu parce qu'il y a déjà les joueurs, moi je trouve. Techniquement déjà sont un petit cran au-dessus des deux autres et puis même j'ai vu faire face des phases offensives de Lyon qui étaient vraiment assez impressionnantes et comme tu dis sur certains matchs t'as l'impression que ils peuvent être complètement absents, se relâcher et être en possession mais stérile quoi, donc du coup ils peuvent se faire piger. C'est ça. Ce qui fait qu'au classement, alors pour résumer rapidement, on a Paris à 65 points qui est largement premier, suivi par Monaco qui est à 53 points, donc 12 points d'écart déjà entre le premier et le second. Marseille est troisième à 1 point derrière, 52 points. Lyon 4ème à 48, qui a déjà 10 points d'avance sur le 5ème qui est Nantes. Et comme je le disais, on en reparlera après, Montpellier qui s'accroche qui est derrière là, avec son équipe, un point derrière, donc tout reste à jouer. La Serie A, si... La Serie A, si... j'y arrivais. Alors du coup, pour la Serie A, c'était la 24e journée. Gros match dès le départ qui inaugurait la journée vendredi entre la Fiorentina et la Juve. Donc ouais, pas trop mal, pour ouais. les fins connaisseurs de Serie A, c'est le derby historique entre les deux clubs. Victoire 2-0 de la Juve. But d'Higuain de Bernardeschi qui punit son ancienne équipe. Ouais, c'est toujours comme match. Ça. Les trois matchs de samedi opposaient Crotone à Atalanta, donc un but partout. La Spal au Milan AC, victoire 4-0, qui commence à revenir. Et le gros match de la journée opposait Naples à la Lazio. Alors victoire napolitaine très très large, 4-1, avec un but de Callejon et de Mertens notamment. Des matchs du dimanche opposés Sassuolo Cagliari 0-0 et l'Inter à Bologne qui a battu, victoire de l'Inter face à Bologne 2-1. Enfin, pour terminer la journée, ça, c'est le match qui opposait la Roma au Benevento, but de la Roma 5-2 avec un doublé du petit Turc Under, ce qui fait qu'au classement on a le Napoli qui est toujours devant la Juve avec un point d'avance, 63 points pour le Napoli et 62 pour la Juve. L'Inter qui est déjà distancé, qui est à 48 points, donc là c'est quasiment terminé. Ils étaient sur une mauvaise série pour les espoirs au titre en janvier, ouais. Et la Roma qui finit de compléter le top 4 avec 47 points. Même la Roma, ils sont très loin quand même. Roma, oui, si on calcule, ils sont déjà à 15 points de la Juve. Donc, il n'y a jamais eu autant de distance avec la Juve ces dernières années, je trouve. La Juve en fait avait l'habitude de faire déjà cavalier seul, mais déjà tu avais grosso modo 10 points maximum d'écart. Ouais, c'est ça, ils étaient jamais autant largués, quoi. Là tu as déjà 14 points d'avance. Dans les stats, ils sont moins bien cette année, ouais. Donc avec Benevento qui termine la marche 20e du classement de Serie A. Ouais, donc là c'est terminé. On aura un beau duel Italie du Nord contre Italie du Sud. Exactement. Très bien, très bien. Bon, on va passer. Vous savez, comme chaque semaine, on fait un championnat par semaine. Du coup, là, c'était la Serie A. On pourra parler plus tard. Mais notamment tombé sur Yacine. Oui, c'est pour ça. J'ai fait plaisir. On pourra parler du retour du Milan AC, contrairement à la contre-performance de l'Inter malgré leur victoire ce week-end. Okay, ouais. Et le duel, on pourra en reparler aussi de Naples-Juve, qui va être intéressant jusqu'au bout, à mon avis. Ouais. Ouais. On verra ça dans presque un mois au final. Là, il va le derby arrive le 4 mars, les échéances européennes, donc ce serait pour l'instant la dynamique est plutôt en faveur du Milan AC. Je voulais passer au rugby au deuxième, mais je vais passer à autre chose avant, comme ça on aura le temps de finir avec le rugby, comme ça on pourra s'étayer un peu plus dessus et se lâcher. Je vais donc parler du handball. D'ailleurs c'était Vincent qui devait venir mais qui est malade aujourd'hui, donc je l'excuse, mais on l'aura pendant le débat tout à l'heure au téléphone, donc pas de soucis au niveau de ça. Donc au niveau du handball, Coupe de France, c'était le retour donc du hand. Saint-Raph qui a gagné 39-27 contre Toulouse. Montpellier qui fait le taf, donc 26-22 contre Dunkerque, on en reparlera plus tout à l'heure. Nantes qui gagne 37-16 contre Cesson-Rennes, et le PSG qui atomise 42-17 Ajaccio. En quart de finale, on a notamment Montpellier qui jouera Saint-Raphaël à domicile et Nantes-Nîmes. Donc c'est les deux gros matchs de ces quarts de finale. En Ligue des Champions, il y avait aussi donc la Ligue des Champions. Victoire de Nantes à Kristianstad, 31-26, et du Barça face au Vardar, 29-28, donc d'un petit point. Nantes est deuxième quand même, derrière le Vardar et devant le Barça. Très beau parcours en Coupe d'Europe, et je crois qu'ils ont 3-4 points d'avance, il me semble, sur Barça. Donc une grosse saison européenne pour Nantes, qui a lâché un tout petit peu le championnat, peut-être pour se concentrer sur l'Europe. Quant au groupe B, si je ne me trompe pas, c'est le groupe B. Victoire de Paris à Célier, 31-26. Et victoire de Kiel face à Veszprém, 22-20. À noter également le match nul entre Flensburg et Kielce, 22-22. Paris est solidement premier devant Flensburg et Veszprém. Nous, Montpellier, je crois que ça sera dans quelques semaines, ça sera les barrages. Face à Démarre, oui. Face à Démarre, c'est pas mars, encore tout de suite. Je crois que c'est le 4 mars. NBA peut-être, Guillaume, quelques résultats NBA. Yes, j'arrive semaine, de suite. Sais qu'il y avait Warriors-Spurs hier, si je ne me trompe pas. C'était avant-hier, ça a été la victoire des Warriors assez largement, 122-105. Et surtout, le résultat notable, c'était hier soir aussi, Cleveland qui allait s'imposer à la TD Garden de Boston, 121-99. C'est un score assez impressionnant parce que Bah déjà dans la dynamique, Boston était au-dessus, étant plus leader mais deuxième et avec des très bonnes stats encore. Cleveland était dans une période encore très charnière avec des nouvelles défaites cette semaine et aussi des gros transferts notables puisque Thomas et Wade notamment ils ont fait du ménage cette semaine. Sont partis, il y a eu un grand ménage, c'était l'objet d'un éventuel coup de gueule sur la gestion de Cleveland et surtout de LeBron on sait qu'il y a eu des tensions dans le vestiaire et ça explique ses départs. Donc du coup, ça a été une nouvelle dynamique qui s'est lancée pour Cleveland sur ce match-là et puis ça a plutôt bien marché. Bon, est-ce que c'est le coup d'un soir ou est-ce que dans la durée ça va tenir, mais en tout cas voilà, c'est un résultat surprenant et on va voir dans la semaine à venir comment ça va se dérouler. J'avais noté aussi que que Cleveland a gagné 140 à 138 contre Timberwolves qui est quand même bien classé. Ouais, c'est donc quand même une grosse semaine malgré le ménage. Ouais, ça a été une semaine assez impressionnante parce que on n'a pas senti Cleveland, on a cru qu'ils étaient dans le creux dans l'œil du cycle. Oui, dans les cyclones, ouais. Ça peut se dire. Ouais. Et finalement, ils ont réussi en faisant partir beaucoup de joueurs importants, faire face et dans des gros matchs, plutôt les bien réussir. Donc dans les gros matchs, ils sont souvent présents. On verra après dans la régularité si contre les équipes un peu inférieures, ils resteront aussi solides. Ok, très bien. Pour ma part, donc, je passe au cyclisme. Juste quelques résultats des vainqueurs autour de Dubaï. C'est l'Italien Viviani qui a gagné. À Oro, il passe. C'était Bernal devant Quintana qui a fini deuxième. Le Tour de la Provence, on parle de ça puisque c'est français, c'est Génier, je crois que c'est comment il s'appelle déjà, Alexandre Génier, qui avait gagné, Vincent il m'a marqué, qui avait gagné la Marseillaise aussi. Et donc la classique d'Almeria, c'est Caleb Ewan qui a gagné donc cette course-là. Au tennis, il y avait l'Open Sud de France, mais il y avait aussi d'autres tournois, ATP 250 avec Quito. C'est là où on voit que l'Open Sud de France est quand même bien meilleur. C'était le gros événement de tennis de la semaine. Parce que Quito, c'était Carballes Baena, l'espagnol, qui s'est imposé 6-2, 4-6, 6-4. Ouais. Son numéro 2 du tournoi. Numéro 2, c'est Alberto Ramos Vignolas. Ouais, voilà, au niveau des Français, il y avait Quentin Moutet qui s'est incliné en quart de finale, tout comme Gaël Monfils qui s'est également incliné en quart de finale. Quentin Moutet qui a quand même sorti Ivo Karlovic, bon. C'est pas si mal, sur la fin, mais bon. À Sofia, alors là, c'est encore pire. Finale de c'est un 50 celui-là. Il n'y avait pas Dimitrov. Et Vavrinka, il a été remplacé par Vavrinka. Vavrinka s'est fait sortir tôt. Non, demi-finale. Finale de qualifié. C'est tôt quand même pour lui. Mais moi, je ne les connais pas. Mirza Basic, 129e mondial et qui sort Vavrinka en demi contre Marius Kopil, 93e mondial. Et donc premier titre pour ce premier, donc pour le Bosniaque Basic, en 3-7, 6-6, 6-7, 6-4. Seul le Français Manorino s'est incliné en 8e de finale, donc très tôt, face à notre Marcos Bagdatis. Le vainqueur du tournoi de Sofia, je crois qu'il est même au-delà de la 110e ou 120e place mondiale. Bah, il était 129e au début. Il a gagné des places. Il s'est qualifié. C'est une finale qui, c'est bien pour eux, mais qui ne fait pas rêver. On peut être assez content de notre tournoi. Au niveau des autres sports, il y avait du futsal. La finale de l'Euro de futsal en Slovénie, et le Portugal a remporté son premier titre européen ce samedi au bout du suspense au terme d'un succès en finale aux dépens de l'Espagne, donc 3-2. Pourtant grand favori l'Espagne, auteur donc d'un doublé dont le but de la victoire sur penalty à une minute de la fin. Bruno Coelho a été le héros de la rencontre, car Ricardinho, joueur connu d'ailleurs de futsal, la star portugaise, avait ouvert le score très vite mais s'est ensuite blessé gravement. Ce n'a pas empêché donc d'être élu meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Sacré à 7 reprises auparavant, La Roja. Merci, parce que moi, la Rota, c'est pas possible. Ne s'était incliné qu'une seule fois en finale, c'est en 99 face à la Russie au tir au but. A l'inverse, les Portugais prennent donc leur revanche après leur défaite en finale en 2010, qui est perdue 4-2 face au même voisin Iber. Les ont pris la médaille de bronze face au Kazakhstan. Voilà. Bon, un podium logique. Et on termine par le dernier sport, celui qui fera grincer des dents un peu, c'est le rugby. On va commencer peut-être avec les résultats des autres matchs, puis après on parlera de l'équipe de France. Je sens Théo de bonne humeur. Ouais, Angleterre. Ouais, jovial. Angleterre Pays de Galles, donc un petit score 12-6, mais un gros match. Clairement, l'Angleterre qui me fait la meilleure impression, c'est pour moi la meilleure pour l'instant équipe du tournoi. Un match fermé dans des conditions climatiques vraiment compliquées, et on va dire que les Anglais ont dominé la partie pendant les 60 premières minutes, et notamment ce qui est fort avec les Anglais, et ce qu'on devrait peut-être apprendre, c'est la capacité à tenir le ballon. Sur le deuxième essai de Johnny May, ils font quand même 25 temps de jeu. Ah oui. Donc c'est quand même énorme. à retenir un joueur, Owen Farrell, qui a été époustouflant par son jeu au pied, qui avait notamment le deuxième essai, par sa vista, son sens et son rythme, enfin sa façon de donner du rythme au jeu anglais. Bon, après, les Anglais ont eu chaud à la fin, et notamment ils peuvent remercier l'arbitre néo-zélandais, monsieur, enfin alors, l'arbitre vidéo, qui était un arbitre néo-zélandais, c'était monsieur Newman, parce que au sifflet c'était un français, c'était monsieur Garcès. A noter qu'un tiers des arbitres, j'ai vu ça tout à l'heure en faisant le quiz, est français. Ouais, ouais, c'est ça, c'est assez énorme. Contrairement au foot, on est bon. C'est pas le cas, il n'y en a pas beaucoup, quasiment. Et du coup, pour faire un peu l'histoire de cet essai, c'est le Gallois qui en fait. Semble marquer l'essai. En tout cas, il semble faire la pression. Monsieur Newman a jugé que ce n'était pas assez satisfaisant selon flagrant, lui. Flagrant peut-être. Ouais, voilà, c'était à la 24e minute de jeu, si je me rappelle bien. Donc il a refusé et les Anglais s'imposent 12-6. Ouais, j'ai vu que Warren Gatland avait fustigé l'arbitrage en disant voilà, on ramène un arbitre vidéo de Nouvelle-Zélande si c'est pour qu'il nous plante. Qu'est-ce que t'en pensais, toi? C'est vraiment litigieux. C'est litigieux. Ouais. Après, moi j'aurais accordé l'essai personnellement. Mais c'est pas un scandale non plus qu'il n'est pas anti-anglais. Vu qu'on est français. Voilà. Ouais. C'est ça. Alors, on va passer rapidement sur l'autre match parce qu'il était à sens unique. C'était Irlande-Italie 56-19. Donc l'Irlande qui reste avec l'Angleterre la seule solide, équipe invaincue. Ouais. Une victoire sans appel. On va noter quand même deux blessés importants, notamment pour quand ils vont affronter les Anglais, c'est Robbie Henshaw, le trois quarts centre, et Tad Forlang, le pilier. Qui est pour moi la plus grosse perte, même plus que Henshaw, qui est vraiment important dans le jeu irlandais. Donc la finale se jouera vraisemblablement entre l'Irlande et l'Angleterre. Ce qui devient une petite habitude dans le tournoi. Voilà, c'est clairement les deux meilleures équipes européennes. On va passer. Angleterre favori quand même. Ouais, pour moi. Eddie Jones avec son sens tactique et surtout qu'il y a les Irlandais ont un jeu plutôt stéréotypé après faut pas oublier que les Irlandais avaient battu les Anglais l'an dernier, bon sur une courte tête je crois 13 à 9 mais ils les avaient battus quand après, même sur un match Torres et les privés du manche moi je vois plutôt l'Angleterre je sais pas si ça joue en Irlande ou en Angleterre, je crois que c'est à Twickenham, c'est la question, mais il semble que le match avait eu mais je suis pas certain, il semble que le match avait eu lieu à la Viva l'an dernier, si c'est à Twickenham ou léger avant la Viva Stadium. Ah je croyais à Viva le supermarché, c'est le stade de Dublin. Ok, très bien. On passe aux choses qui fâchent. Oui. L'Écosse qui s'impose à Murrayfield de 32-26. On va revenir peut-être plus sur le jeu des Français. Donc une première mi-temps très. Ça jouera Twickenham. Plutôt prometteuse. Thanks. On a vu des intentions de jeu. Parce qu'on avait, enfin, c'est pour moi, c'est peut-être la meilleure mi-temps qu'on a vu depuis 2 ans. La première, oui. Bon après, c'est quelques intentions de jeu. Hein. Je sais pas non plus. C'était pas la folie. Mais c'était intéressant quand même. Peu de faute en première mi-temps, on a subi seulement 4 pénalités, on a plutôt tenu le ballon, on a eu forcément les exploits de Teddy Thomas qui nous a inscrit un doublé, notamment sur le premier essai des Irlandais. Il est à l'arrêt au début en plus, totalement à l'arrêt, puis après on s'est fait impressionner. À chaque fois qu'on lui a donné le ballon, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Le bémol, c'est que en première mi-temps, on se fait reprendre à chaque fois qu'on marque, on se fait reprendre derrière trop facilement. Et surtout, les Écossais avaient analysé notre jeu et avaient vu qu'il y avait un problème près des rocks. Enfin, dans leur lancement de jeu, en fait, ils revenaient tout le temps à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'ils passaient plus facilement nos lignes. Deuxième mi-temps, catastrophique, 66% d'occupation territoriale pour les Écossais, donc c'est-à-dire qu'on a joué quasiment tout le match dans nos 22, privé de ballon. Super brouillon, beaucoup de fautes, on fait 9 fautes alors qu'en première mi-temps on en faisait que 4. Donc on a subi et forcément la patte de Laidlaw nous a fait mal. On prend il met un 8/8, il devient je crois le meilleur marqueur de points des Écossais devant Patterson. Donc on a tenu 71 minutes, on avait tenu 80 et quelques minutes contre l'Irlande avant de sombrer définitivement. C'était le match qui pouvait lancer quelque chose pour moi. Et voilà, en fait, quand on voit ce que dit Laporte, notamment, qui avait donné une interview là, il dit on est à notre place. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'on est à notre place. Mais le souci, c'est que ça fait déjà du tout qu'on a raté. Le problème, c'est que. Quel que soit le sélectionneur, Brunel, je pense qu'il vient avec les meilleures intentions du monde, comme Neves venait avec les meilleures intentions du monde. Ouais, les joueurs qui jouent ne jouent pas forcément en club. Les joueurs qui sont titulaires. Ouais, t'as l'impression qu'on peut avoir le meilleur entraîneur du monde, ça fera peut-être pas changer. Le problème, voilà, il faut que les meilleurs joueurs français jouent mais dans mais leur comme je disais, ce qui est pénible, c'est 9 fautes. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'indice est beaucoup. Des fautes techniques, puis, mais la bête. Faute de Serin dans l'Europe qui. Et puis je veux dire, en plus de ça. Vaimana au premier match qui était. Au plus haut niveau, t'es face à des artificiers sur les pénalités, etc., qui généralement sont globalement à plus de 70%, 80% de réussite. Un mec comme Delo, même comme Sexton, aura très rarement les pénalités, même si elles sont très excentrées, donc à ce niveau-là, ça se fait content, quoi. Ouais. Non, c'est. Et j'ai retenu une citation de Clive Woodward, qui est l'ex-sélectionneur et joueur de l'équipe d'Angleterre, qui disait que c'est la pire équipe de France qu'il a jamais vue. Ah bon, on a le droit de partager. Et je pense peut-être. Et je pense que bon, voilà, là, on a touché le fond et. Le pire, c'est qu'on avait des certitudes au premier match avec la défense qui avait vraiment été énorme. Ouais, et puis là plus rien, quoi. Pas en vrille. En fait, à chaque fois, on aura un secteur dans le match qui va nous peut-être nous mais sembler un peu encourageant. Mieux. L'attaque nous a semblé encourageante en première mi-temps. Pas la défense. Au et derrière, c'était ça la défense et pas l'attaque. Est-ce que réaction de Romain, parce que je sais qu'il est en train de se contenir. J'écoute les réactions. Il est assez détendu. Non, c'est vrai qu'on manque vraiment de constance. Au premier match, on fait preuve d'une très bonne défense. Ça, il fallait le souligner. Il y avait rien à dire de ce côté-là. Par contre, on n'avait pas proposé grand-chose dans le jeu. Là, à l'inverse, ce qui faisait plaisir, je suis assez d'accord avec Théo, c'est que pendant une mi-temps, on a vraiment proposé quelque chose. Même si on peut aussi remercier les exploits individuels de Teddy Thomas, mais dans les grands matchs, justement, où parfois il faut arriver à faire la décision sur un petit espace, c'est quelque chose d'important d'avoir ce type de joueur dans une équipe pour faire la différence. Pour autant, on voit qu'on a toujours des lacunes indéniables, beaucoup trop d'indiscipline par rapport au haut niveau, ce qui se paye cash au haut niveau et notamment contre contre les sélections britanniques ou l'Irlande, ça c'est quelque chose de très problématique. Et puis voilà, comme dit Théo, c'est quelque chose de pas nouveau. On a l'impression qu'on tombe à chaque fois dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs et dans les moments forts des matchs. La dernière fois c'était en toute fin de match, mais là justement à l'heure de jeu, le moment par charnière. Et dans le rugby particulièrement, c'est un moment charnière où il faut pas se planter, où là on a commencé vraiment à baisser franchement d'un ton. Et on le voit en termes de nombre d'essais de chaque côté, cette fois-ci on est à peu près dans le coup. Mais prendre 8 pénalités au niveau international contre l'Écosse, c'est beaucoup trop. Alors que pourtant, pour le coup, on a une équipe en face qui est de grand talent, je trouve, sur leurs lignes arrière, mais qui est assez faible devant. Il leur manquait 9 titulaires en ligne avant. On se fait quand même pénaliser en mêlée, ce qui est censé être notre point faible, contre les Écossais, qui est réputé être l'équipe peut-être la plus faible d'Europe, au niveau, sans compter les Italiens bien sûr, au niveau de la mêlée. Dans la gestion des temps faibles, on n'a pas été bon. Jean-Baptiste Elissette, qui est l'entraîneur des lignes arrière, disait voilà, les Écossais vont essayer à chercher à mettre du rythme. Nous, notre but, c'est de casser leur rythme et de jouer, de casser le rythme. Qu'est-ce que fait, c'est Doumerou. On récupère une pénalité, il la joue vite. Non, alors qu'on était vraiment dans un temps très faible. On n'avait pas récupéré un ballon depuis 10 minutes. C'est pas possible de faire ça. Il faut que les joueurs gardent leur self-control et qu'on ait une meilleure gestion des temps faibles. Parce qu'on pourra mettre n'importe quel sélectionneur, on n'y arrivera pas. Je voulais juste noter quelque chose quand même. On parle souvent qu'il y a des doublons, ce qui causerait notre perte un peu dans le tour des nations. Et bien il y avait des doublons en première chip et en league celt. Donc voilà, c'est pas une excuse. Donc pour moi c'est pas une excuse. Donc, il y avait l'air le Queen, c'est le Wasp qui jouait d'ailleurs. Exeter d'ailleurs qui a perdu, qui est le leader du première chip, hein, pour donner quelques infos, qui a perdu à domicile face à Worcester 6-5. Pas mal. Petit score, bon match sous la pluie en Angleterre de l'époque. Un match passionnant. Mais c'est en league celt, ça jouait aussi. Je vous passe les résultats, mais voilà. Il n'y a pas que cette question des doublons qui... Fausse excuse. Le regard de l'amateur, juste 30 secondes pour faire une rubrique. Le regard de l'amateur de rugby. Écoutez, moi, première mi-temps, je poursuis comme disait Romain. J'ai l'impression qu'ils m'ont fait mentir, quoi. Offensivement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de jeu et tout, donc ça m'a donné un peu d'espoir, quoi. Mais bon, ça a été le pétard mouillé, quoi. La deuxième mi-temps, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression que cette équipe, en fait, ne progresse pas tellement, quoi. C'est en deuxième mi-temps. Et même, même en première. Ça me déconcentre. Même en première, j'ai l'impression que cette équipe, elle s'est jamais sentie capable de le gagner, en fait, j'ai l'impression. C'est ouais, ça. C'est une équipe qui doute clairement d'elle-même, ouais. Et maintenant on en est jusqu'à douter effectivement de nos capacités, ouais. Notre potentiel pour remporter le match contre l'Italie dans deux semaines. Louis Picamol, on verra ce que ça donne. Là on peut toucher le fond. Picamol est symptomatique ou symbolique, si vous voulez, de cette équipe de France. Ouais, le banc n'a rien apporté, alors que le banc écossais, qui est pareil, censé être beaucoup plus faible que le nôtre, avec des illustres inconnus, on va dire certains, ont apporté tout ce qu'il fallait, tout ce qui manquait aux Écossais. Alors qu'on a de la qualité individuelle. Juste une dernière phrase, j'avais juste un truc avant qu'on termine la rubrique rugby, c'est que, bon, déjà pour le tournoi, c'est déjà c'est quasiment un échec. Je vais vous reparler de Serie A. Et je dirais même, non, même pas, je m'aventurerai pas. Le Milan va vraiment être champion, je vous le dis. Ça, c'est sûr et certain, mais l'an prochain. Ouais, mais j'ai juste envie de dire que, attention à la cuillère de bois. Ouais, c'est possible. Ouais. On l'a pas eu, on l'a pas eu contre l'Italie. 1957, quand même. Mais là, vu la génération. Une question. Ouais. Terminé sur l'espoir, les générations à venir, elles sont quand même un peu mieux, quand même, non? Écoute, les U20, eux, fonctionnent bien, donc allez, on va être optimiste. Allez, ouais. Enchaîne sur ça. On va passer à notre pause musicale, comme ça on enchaînera bien. On parlera juste après des Jeux Olympiques, vous inquiétez pas. Yes. Première pause musicale, c'est Daft Punk et Pharrell Williams, c'est Gift of Wind. Classique. Yeah. De retour sur Sport & Chill, c'était Daft Punk et Pharrell Williams, Gust of Wind. On va passer tout de suite, ça va être notre jingle, et ça va être un jingle, c'est l'intro de télévisé des Jeux Olympiques d'hiver, je vous laisse écouter. We'll be right back. Voilà, super hein, pour introduire les Jeux Olympiques. C'est mignon. Et je laisse c'est Romain commencer. Voilà, tu as 15 minutes. Mène-toi. Bonne présentation. Good luck. On dirait que j'ai un aura avec PowerPoint. Bah, écoutez, déjà, c'est avec plaisir que je parle pour la première fois de ces JO de Pyeongchang, parce que les JO d'hiver, c'est... On sent l'émotion. Ouais. Bah, c'est un des moments vraiment forts pour moi du sport, bien sûr, hein, comme tous Jeux Olympiques, mais pour vous dire, bon, ça c'est mon avis personnel, mais j'ai encore une petite préférence pour les JO d'hiver face aux JO d'été. Donc, et on va commencer d'ailleurs avec un triple cocorico. Et puis, le plan maintenant. Un triple cocorico, et puis on va démarrer en plus par les féminines et parler notamment de Perrine Laffont. Perrine Laffont, qui est la première grosse sensation de ces Jeux Olympiques, qui a été sacrée championne olympique de ski freestyle sur l'épreuve de boss de Pyeongchang à seulement 19 ans. Il faut savoir qu'elle était déjà présente aux JO de Sochi, où elle avait pris un peu la température à 15 ans, où elle avait été déjà classée 5e, je crois. Ouais, je tenais juste à dire qu'elle s'est entraînée dans quel au Krebs de Montpellier. Au Krebs de Montpellier. Ah oui. Oh, super. Donc, d'autant plus. Elle est originaire du village de Barthès, je crois. La Vlanée. J'ai un ami à elle que j'ai vu ce week-end d'ailleurs, qui m'a parlé d'elle. Précision, elle avait ses 5e aux qualifications et du coup elle s'était trouée après. Et du coup, cette épreuve, elle l'avait marquée et du coup elle se levait le matin et disait. Elle pensait qu'au JO, tous les jours elle pensait au JO en disant je ferai pas la même erreur que après la qualification. Elle a appris, elle. Oui, contrairement au français au rugby. Ouais, elle a appris, elle était d'ailleurs prise par l'émotion et très fatiguée après l'épreuve, ça c'est clair. On a senti que ça avait demandé des ressources physiques mais aussi mentales incroyables. Pense que voilà, des championnats du monde ou là pour le coup des Jeux Olympiques, c'est difficile de se rendre compte effectivement de ce que ça peut être. Et donc elle l'emporte devant une Canadienne. Alors il y avait deux Canadiennes très attendue, il y en a une qui s'est bien ratée malheureusement pour elle et heureusement pour les Français et pour la délégation française et Perrine Laffont sur son dernier run, mais c'est Justine Dufour-Lapointe, la Canadienne, qui fait seconde et médaille d'argent, et une Kazakh. Alors ça peut être surprenant peut-être pour j'ignorais qu'ils commencent à avoir une grosse équipe qui ont une belle équipe, une belle délégation. Ils sont notamment très bons en patinage de vitesse en short track. Ouais. Et très bon sur les épreuves freestyle, que soit en ski ou en snow, assez bien représenté chez les hommes. Je donnerai le résultat aussi ski de boss dans la foulée, il sera donné. Il y a deux Kazakhs aussi qui étaient présents en finale, pas sur le podium, sur la boîte. Pour preuve, les Kazakhs, ce terre de ski, c'était ils étaient candidats avec Almaty, avec Almaty face à Pékin pour organiser JO 2022. Et donc c'est Yulia Galicheva pour donner son nom, donc il prend la médaille de bronze. Et donc comme en 2006 avec Sandra Laoura, qui était d'ailleurs présente, c'est du ski de boss qui est venue la première médaille française. Donc personnellement, c'est une discipline en plus que j'affectionne beaucoup et qui est très dangereuse. Très physique pour les genoux notamment. Il n'y en avait pas eu de champion olympique depuis Edgar Gros-Piron. Donc c'est une sacrée performance, et donc ça a été notre première médaille française qui était très attendue, parce qu'effectivement on y reviendra, mais on a eu quelques petites déceptions juste avant. Après dès le deuxième jour, c'est quand même bien de débloquer le compteur. Donc juste, je voulais donner effectivement l'autre résultat ski de boss. Je vais juste donner le champion olympique, c'est Michael Kingsbury, qui avait été chez les hommes médaillé d'argent à Sochi et qui remporte le titre cette fois-ci à Pyeongchang, pour son plus grand bonheur aussi, parce qu'il a une grande carrière et c'était le seul titre qui manquait à son palmarès. On continue peut-être sur les joies françaises avec notre porte-drapeau, Martin Fourcade, qui a brillé aujourd'hui après avoir été très déçu, mais on sentait aussi le mental de grand champion, même justement après une telle défaite, il avait à cœur de réaliser une grosse performance. Pas tout le monde est capable de revenir comme de réagir comme et il a été assez incroyable sur la poursuite. Alors on avait quand même déjà vu ses sensations sur le sprint, pour rappeler, où il finit seulement 8e, mais avec 3 fautes dès le premier tir couché, donc c'était compliqué pour lui. Et derrière, il avait rivalisé avec les meilleurs, mais c'était déjà trop tard pour la médaille. Et sur la poursuite aujourd'hui, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il a été assez imparial et il emporte devant un jeune suédois, Samuelsson, et un Allemand, pour en parler des Allemands, Benedikt Doll, qu'on attendait pas forcément, qui sont assez remarquables. Et Pfeiffer, qui finit 8e, je crois, lui qui a été médaillé d'or en sprint. Ouais. Donc effectivement, biathlon d'ailleurs, on peut dire terre allemande pour le moment. Chaque médaille. Sur chaque course des médailles, et 3 en or sur 4. À citer donc Arne Pfeiffer qu'on a dit qui a fait 8e aujourd'hui de la poursuite mais qui remporte le titre du sprint, mais aussi donc Bénédicte Doll qui fait la médaille de bronze là sur cette poursuite, derrière Martin Fourcade et le jeune Samuelsson suédois, et Laura Dahlmeier surtout qui sera sans doute une des reines de ces Jeux Olympiques de Pyeongchang, qui remporte le titre du sprint et le titre de la poursuite. Donc elle sera très difficile à aller chercher. Après, sur la mass start, ce sera une course très différente, hein, je pense. Et le signe indien qui a été comme quoi être porte-drapeau n'est pas forcément rédhibitoire pour être médaillé olympique. Surtout qu'il se hisse au rang de Jean-Paul Kidi qui n'est plus ni moins qu'un fabuleux exploit pour le sport français. Sur France Télé, il disait aussi que Carole Montilla avait elle a Salt Lake City en 2002, elle a été médaillée, donc ça peut arriver. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité. Et puis bon, ça arrive en été, mais bon, on a eu Teddy Riner. Riner a été médaillé. Ouais. Et qui a été médaillé d'or, donc là on est sur une belle série pour nos porte-drapeaux, ça fait plaisir. Et puis donc je parlais de Laura Dahlmeier, mais on va citer peut-être notre championne française aussi, c'est la troisième médaille qu'on a pour le moment, c'est Anaïs Bescon qui fait une sacrée performance avec 19 sur 20 au tir, je crois, aujourd'hui. Elle qui était 19e. Qui était 19e et qui prend la médaille de bronze, et encore pas très loin de l'argent, hein, elle finit derrière Anastasia Kuzmina qui est leader de la Coupe du Monde, en poursuite. Ah ouais, exactement. En poursuite, parce que je crois que c'est au point, c'est Makarainen, non? Oui, sans doute, qui pour le moment d'ailleurs est en train de se planter. Makarainen qui a jamais été alors les courses d'un jour, c'est pas son truc. Sur la saison, elle va être très régulière. Par contre, les courses d'un jour, elle n'a jamais performé. À l'image de Kuzmina, qui fait aussi une sacrée remontée, parce qu'elle était 13e. Elle a fini 2e, donc. Mais je sais pas ce que tu en penses. Par contre, je suis assez surpris et déçu de Daria Domracheva jusqu'à présent. Ouais. Elle était bien placée aujourd'hui. Pourtant, puis après, elle craque au dernier tir, si je me trompe pas. Ski, mais le pas de tir est difficile avec ce vent tourbillonnant, ces rafales, ces bourrasques. Et pourtant, elle est entraînée par son mari, Ulle Einar Bjørndalen, qui fait partie de la délégation. Biélorusse pour ces Jeux Olympiques, ce qui explique d'ailleurs la petite anecdote que j'avais donnée la dernière fois de pourquoi aussi sans doute il est derrière cette équipe biélorusse alors qu'il est lui norvégien, mais justement sa compagne est tête d'affiche du Bélarus. Ouais, puis pour revenir, ça s'explique. Dahlmeier, ouais, super impressionnante, mais les Allemands chaque fois ils nous sortent. Avant c'était Magdalena Neuner, on s'en rappelle. À chaque année ils nous ressortent, enfin chaque Olympiade ils nous ressortent une athlète exceptionnelle. Et ce qui est remarquable, c'est que cette fois-ci aussi ils sont vraiment très très forts chez les hommes. Ouais. En plaçant aussi dans le top 10 plusieurs. On pense à Simon Schemp, à Eric Lesser. Eric Lesser, de Big Doll, Pfeiffer. Je pense que ce sera une équipe difficile à aller chercher sur l'épreuve par équipe également, et sans doute en mixte. Puis au tableau des médailles, ils sont déjà premiers, je crois. Alors qu'ils sont déjà premiers au tableau des médailles, et assez confortablement, je crois, déjà plusieurs médailles d'or. Les JO sont longs, mais pour l'instant, le biathlon est bien pourvoyeur des médailles. Juste deux derniers mots sur le biathlon. Parler de nos autres Français. Ouais. Simon Détieux, pas mal, moi je trouve, pour le moment. Constant. Constant, à la fois sur le sprint et la poursuite avec des top 10. On ne va pas forcément parler beaucoup des autres qui nous surprennent, enfin pas qui nous surprennent justement, mais qui nous déçoivent un petit peu pour le moment. Mais on verra ce que ça donne sur la mass start, qui est une course où tout est possible. Chez les filles, Marie Dorin a été surprenante avec sa 4e place. Ouais. Justine Breza a l'air d'être vraiment dans le creux de la vague depuis ses exploits du mois de décembre. Ouais, je pense que là, la poursuite, Justine Breza a fait 4 fautes, je crois, au dernier tour de la poursuite, alors qu'elle était pas si mal. Non, derrière, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est derrière, je crois que la meilleure française, c'est Chevalier, très jeune en plus, qui fait 25e, au-delà de la 25e place. Donc oui, je pense que ça va faire une petite piqûre, et elles vont se reprendre pour la suite, pour l'individuel et le relais. Peut-être parler autre chose que du biathlon, parce qu'on en parle un petit peu beaucoup là, sinon on n'aura pas le temps de parler d'autres disciplines. J'ai votre temps, c'est important à l'oral, ça. C'est une discipline qui passionne beaucoup de monde, et de plus en plus de voix. Et on attend, mais sans espérer, effectivement, les Norvégiens dans ces Jeux Olympiques. Ouais, la craquante des frères Beu. Concernant donc les... Continuons sur nos petits Français, hein, parce que justement, si on n'a pas le temps, on va faire les chauvins et parler des Français. Les petites déceptions, j'ai envie de dire, mais aussi les bons espoirs pour la suite. Thibaut Fauconnet, je pense qu'on devrait parler de qui a été en finale du short track, qui est une épreuve peu connue, mais assez impressionnante en patinage très de vitesse très populaire en Corée du Sud. Ça a été la première médaille d'or coréenne sud-coréenne de ces Jeux Olympiques, la seule médaille justement. Sorry guys. Et donc la deuxième place est venue à un Néerlandais, hein, terre aussi de patinage de vitesse. Ouais. Je ne m'amuserai pas à prononcer le nom des patineurs de vitesse néerlandais parce que c'est terrible. Vraiment, compliqué, autant ouais. au foot, j'arrive à les prononcer, mais en patinage ouais, de vitesse, simple, c'est là, terrible. Ouais. Et la troisième place, surtout, donc, est revenue à Elie Stratov. Alors ça, c'est anecdotique, qui est un de cette équipe des athlètes olympiques de Russie, pour ne pas dire Russie, hein, sous bannière olympique. Mais il est en candidat libre. Qui était cinquième, juste derrière justement Thibaut Fauconnet, qui ben, finalement a terminé à terre, ou plutôt sur la glace, après la chute du Coréen qui le précédait, et vraiment il pouvait pas l'éviter. Alors il commence à se replacer. Oui, puis sur les images, on voit qu'il lui met un bon coup de patin dans le visage. C'est au niveau du virage. Ah ouais, ça a pu mal tourner quand même. Sa chute, le coup de patin dans le visage du Français. C'est ça, le Français saigné. Le Français qui finit quand même la course, il a voulu terminer. En glissant. Mais ouais, il y avait un très. Enfin, on était hyper hypé. En plus, c'était je crois le troisième. Enfin, c'était. Il restait trois tours. Deux ou trois tours. Il était très très bien placé. Il avait fait une superbe course. C'est dommage, mais ça laisse de bons espoirs parce que je crois qu'il court demain en 1000 mètres en short track. Donc La belle anecdote, c'est que de nombreux Sud-Coréens se sont excusés sur la page Facebook de Fauconnet en s'excusant de leur athlète qui était disqualifié d'ailleurs. Ah, mais c'est volontaire ? Non, c'est volontaire. Mais pourquoi il était disqualifié alors ? Il était disqualifié parce qu'il n'a pas fini la course. Je sais pas comment ça se passe. Et c'était un Canadien qui avait pris une pénalité. Désormais, on va revenir du coup un peu en bref sur les autres disciplines, mais ça me paraît important quand même de donner les autres résultats. Ouais. Revenir sur le ski de fond, alors je vais démarrer par les filles, mais juste toucher deux mots de cela parce que c'était la première médaille. La performance française, même malgré qu'il n'y a pas une médaille. Oui, ça sera donc du côté des hommes, mais j'allais démarrer par les femmes en donnant juste le résultat parce que c'était les trois premières médailles de ces Jeux Olympiques. Hein. C'était tôt samedi matin, chez nous en tout cas, avec la Suédoise Charlotte Kalla qui ne l'avait pas encore emporté sur cette discipline en skiathlon, qui l'a emporté, c'est son troisième titre olympique sinon en ski de fond, devant Marit Björgen qui est une légende du ski de fond et qui remporte quant à elle sa 11e médaille olympique. C'était la tenante du titre, mais bon, en tout cas elle récupère une nouvelle médaille d'argent et il faut dire que c'est maintenant l'athlète féminine la plus médaillée de l'histoire des JO d'hiver, donc c'est quand même un résultat à noter. Elle emporte devant une Finlandaise, un sacré bout de femme parce qu'elle est pas très grande en plus, et très belle skieuse. Un triplé donc pour cette première épreuve des pays du Nord, parce que ça fait 1 Suède, 2 Norvège, 3 Finlande, et après surtout revenir donc sur la course des hommes, ça je le souhaitais. Alors au-delà de dire qu'il y a eu un triplé norvégien qui est une discipline qui trust comme jamais, même si Klebe qui était un peu le favori qui était vraiment très très fort en ski de fond pour la Norvège, lui paradoxalement fini autour du top 10, mais parler de Maurice Magnifica, le Français qui fait déjà une cinquième place, qui est vraiment classe. Un coureur de ski de fond qu'on connaît depuis bien longtemps et qui a dynamité rarement défaut dans les grands moments et qui a dynamité la course, qui a été intéressant alors que c'est pas forcément sa discipline de prédilection, donc je pense qu'on peut avoir de bons espoirs pour lui sur les surtout que c'est pas sa course favorite. Et on sait qu'il peut être peut-être le successeur de Vincent Vitoz, qui est celui qui avait fait connaître vraiment le ski de fond. Donc superbe course. Je pense que tu vas revenir sur d'autres résultats encore. Oui, revenir sur d'autres résultats. Alors en plus, c'est un que je pense que tu attends, c'est le saut à ski, parce que c'est une discipline qui est quand même assez impressionnante et qu'on peut suivre, et où normalement on avait des Polonais assez incroyables et qui pouvaient truster justement leur première médaille sur ces Jeux Olympiques. Et puis après la manche de qualification, on avait deux premières positions, c'est Stéphane Oula et surtout Camille Stor, qui est le vainqueur des 4 tremplins cette année. C'est un peu comme s'il avait gagné le Tour de France, quoi. C'est pas si mal, quoi. La tournée 4 tremplins, c'est la tournée mythique. Et c'est le majeur. C'est l'immense favori du saut à ski. Un nom de tournoi Harry Potter. C'est ça. Tournée 4 tremplins. Ça pourrait, ça fait un peu Quidditch. Exactement. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ces deux Polonais étaient donc en tête, hein, on pouvait légitimement espérer la médaille d'or et d'argent. Et alors terrible pour la Pologne, ils finissent finalement après la finale 4e et 5e et laissent la victoire à un Allemand. Une fois n'est pas coutume, c'était le début de ces JO, hein, qui le voulait visiblement. Andreas Wellinger, qui est un grand espoir du ski et du saut à ski, et maintenant qui est plus un grand espoir parce qu'il est champion olympique. Et il emporte donc devant deux Norvégiens, donc sacrée performance. Décidément, c'est Norvège-Allemagne. Ils sont toujours là, ouais. C'est Norvège-Allemagne. C'est un duel. Et à noter, alors on peut trouver que c'est une place anecdotique, que c'était la 27e place de Jonathan Lienhard. C'est le genre de Strasbourg. Lienhard. Lienhard, tiens, on est un peu plus en Est-ce qu'il jouait ce week-end déjà là? Ouais, bah il faisait du saut. C'est Jonathan Lienhard qui a seulement 17 ans. Donc, qui se qualifie, je crois que c'est la première fois depuis au moins Turin qu'on n'avait pas de Français qualifiés en saut à ski. Au moins en finale. Il était temps, alors. Donc, superbe perf. C'était toujours juste pour le saut à ski, et c'est pour ça que ça me réjouissait. On ne voyait pas comme ça, mais c'était les 8e Jeux Olympiques de Noriyuki Kasai. Oui. Le japonais de 46 ans. Et 46 piges. 46 ans, oui. Alors, je les articulations. Déjà vu, et en fait, qui est né en 72 et qui avait gagné la médaille d'argent, je crois, en grand tremplin à Sochi. Et le bronze par équipe. Et donc, il est toujours là. Donc, chapeau. Il s'est classé à l'honorable 21e place. Anecdotique. Ça t'aurais pas dû le dire pour l'histoire. Les 46 ans, la longévité est solide. Ouais. Et chapeau à monsieur Cassin. Vous venez le chercher niveau hygiène de vie. Ouais. Très bien. Donc, bon. Juste les vous derniers avez mots. Vous avez deux minutes déjà. Les derniers mots. Attention. Vous êtes en train de transition. C'est peut-être une pénalité, une surprise. Alors, je sais pas si vous l'avez noté en étant attentif à notre exposé. Performance de Théo. Mais nous n'avons pas parlé de ski alpin. Ah oui. Donc, pour dire effectivement qu'il y a eu déjà, normalement, il y aurait dû déjà avoir deux épreuves qui n'ont pas eu lieu à cause du vent. Deux épreuves annulé, c'est quand même rare, reporté, ouais. Parce que j'en serais bien triste sinon. La descente qui avait lieu dans la nuit de samedi à dimanche, hein, j'étais en train de mettre le réveil, finalement j'ai dormi. Pour la descente qui est reportée, je crois, soit cette... C'est jeudi, je crois, avec le géant féminin. Oui, il me semble. Effectivement, les deux la sont le même jour. Donc le géant féminin qui aura lieu jeudi. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas parlé de médaille de Tessa Worley. Mais espérons-le, ça viendra. On c'est parle de choses qu'on n'a toujours pas. A été décalé. C'est des épreuves qui ont dû avoir lieu. Juste. Ouais. Un mot d'un. C'est trop tard, vous êtes déjà épanoui. Là, c'est vraiment. Ça pourrait être un coup de cœur. Tu finis la conclusion là. Tu la bâcles. Comme moi, en Yogis. Alexis Contant, qui est un patineur de vitesse. Et alors, les patineurs de vitesse, on n'en a pas en France. Il n'en existe pas. Et donc, il s'entraîne soit à roller, soit à l'étranger. Et qui a fini 11e au 5000 mètres. Et c'est pas sa discipline favorite. Sa discipline favorite, c'est la mass start. Il a fait que des podiums cette année, et ça serait un exploit, honnêtement, d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques de Pyeongchang dans cette discipline. C'est notre seul représentant en patinage de vitesse. Et bilan, combien de médailles pour l'instant? Juste faites-moi. Deux médailles d'or et une médaille de bronze. Deux médailles d'or, trois médailles. On est sixième au classement. Première, l'Allemagne. On est en Europa League pour l'instant. Voilà, on termine là-dessus sur le classement des médailles, c'est parfait. Et on passe tout de suite au sport Montpellier. Qui parle. Sport and Chill, le sport montpelliérain. J'enchaîne vite, c'est pour ça, j'ai pris de surprise. Je suis pas le poulet d'ailleurs. Je vais y aller très rapidement, on va pas pouvoir développer sur le sport montpelliérain cette semaine. Montpellier, donc au football, le MHSC qui a gagné donc deux matchs cette semaine, puisqu'ils ont gagné un match plus une défaite. Une défaite contre Lyon, ils ont perdu contre Lyon 2-1, donc but de Iconé plus emballante que Montpellier, but de Fekir et Cornet pour Lyon, donc défaite malheureusement et plus de coupe pour Montpellier. Et ce week-end, c'était victoire à l'extérieur à Metz 1-0, mais bon, victoire quand même de Giovanicio. 6 buts en 20 matchs pour Giovanicio, l'attaquant. Donc faut le noter ça surtout au classement, ce qui fait que la deux chevaux de Montpellier, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, Valdemar Kita qui avait dit que Montpellier c'était une deux chevaux, finalement la deux chevaux rattrape Nantes. Il est gonflé, un point derrière les hommes donc de Claudio Ranieri. Après donc le milieu du classement est quand même très serré, puisque entre Nantes 5e et Guingamp 10e, il y a 5 points seulement. Mais bon, il y a plus de notamment Bordeaux qui revient fort, qui est 7e, il y a plus de coupe pour Montpellier, il reste que le championnat, donc pourquoi pas. Ça va être l'objectif, je crois que en plus la 6e pourrait être européenne. Non, donc 5e du coup, européenne. 6 il y a la 4e et la 6, parce que si le PSG remporte la Coupe de France. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est possible quand même. Ouais, c'est possible. T'es sûr? Ouais. Non, mais le sens, c'est aussi le cas si par exemple on a un Paris-Lyon en finale et que Lyon est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe. Ouais, ou même la Coupe Marseille. Mais c'est quand même. Étant donné que ça sera Lens qui gagnera la Coupe de France, ce sera pas possible. Ah, ça, j'avais pas pris en compte, effectivement. C'est moins surprenant que Paris-Lyon. J'avais pas envisagé ça, désolé, Flo. Alors, le MHSC féminin, donc les féminines se déplaçaient à Marseille pour justement pour la Coupe de France également, le 8ème de finale. Ce dimanche après-midi, Sofia Jacobson a ouvert la marque pour les Payadines avant l'égalisation des Faucennes à la 70ème minute. Les deux formations n'ont pu se départager à la fin du temps réglementaire et c'est au tir au but que la décision s'est faite aux dépens des Montpellierennes, oui. malgré deux balles de match pour Marseille quand même. Ah. Et Montpellier s'est qualifié pour les quarts de finale. Ils affronteront Brest à l'extérieur, à savoir les autres matchs Saint-Etienne PSG ou Rodez. PSG-Rodez. Le Havre Soyo ou Reims. Reims ou Arras. Là, je le dis, ma ville de naissance. Fiche, hein. Ma petite ville de naissance contre l'Olympique Lyonnais. Donc, très belle ville, Arras. Courage, Arras. Ouais. Prochain match pour les féminines ce samedi à domicile contre Rodez et c'est en championnat. Le rugby, pas de match pour les féminines ni pour les masculins d'ailleurs, puisqu'il y a les 6 nations. C'est repos. Retour du top 8 donc pour les féminines ce dimanche à l'extérieur contre le Stade Rennais pour le compte de la 11e journée du top 8. Le MHB, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas continuer, c'est-à-dire que Montpellier a gagné, je crois, 26 à 22 à Dunkerque pour le 8e de finale de Coupe de France. Propre. Ils sont en quart et ça jouera pas tout de suite la Coupe de France. Non, je crois que c'est en quelques mois parce que il y a la Ligue des Champions qui arrive. Si je me c'est pas pas date, mais c'est pas maintenant en tout cas. C'est dans un mois sur la police. C'est pas de suite, mois sur le syndicat. Pas de match non plus pour le basket féminin. Prochain match dimanche à 15h30 à domicile contre Mondeville pour le compte de la 15e journée de LFB. Au volley, c'est la seule défaite du week-end. Défaite 3-7 à 1 du Mavuc contre Nantes-Rezé. Les deux premiers sets ont été accrochés à l'image du score, 27 à 25 en faveur de Nantes pour les deux premiers sets. Mais bon, défaite tout de même de Montpellier. Au classement, c'est Chaumont qui se place premier devant Paris. Montpellier reste à la 6ème place qualificative, 4 points devant Ajaccio qui est juste derrière. Il reste 5 journées en Ligue A pour le volley avant les playoffs, donc ça devrait plutôt aller pour Montpellier. On peut le faire. Prochain match dimanche à 17h à domicile contre Ajaccio et pour le compte de la 18ème journée de Ligue A. Petite précision, les quarts de finale de Ligue Coupe de France, notamment pour Montpellier, se déroulera le 11 mars. Donc au final, c'est pas si lointain que ça. Dans un mois, comme j'ai dit. Dans un ça est arrivé, ouais. Très bien. La police est arrivée. On est là. Le futsal, pas de match de futsal puisque c'était la finale de championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, oui, c'est ça. Prochain match samedi 17 contre Nantes à l'extérieur. À savoir, je crois qu'il reste que 5 matchs aussi en futsal et que Montpellier est 2 points derrière le premier en non relégable. Donc toujours de l'espoir quand même. Ouais. Toujours de l'espoir. Waterpolo, belle victoire des poloistes, 16 à 7 contre Douai, avec notamment 4 buts de Uros Kalinic pour le MWP. Au classement, après 11 journées, Montpellier 4e avec seulement 3 points de retard sur les 2e et 10 points d'avance sur les 5e. Donc ils vont pas se faire rattraper. Petite marge. Plus que 3 matchs en saison régulière de Waterpolo. Il y a une nouvelle trêve qui arrive pour le waterpolo. Décidément, il y a beaucoup de trêves au waterpolo. C'est pour préparer le match de l'équipe de France contre la Suisse. C'est peut-être le Kalinic qu'il faut à Milan. Hein. peut-être pas. À voir. Le prochain match est prévu donc Montpellier-Marseille le 7 mars. Donc gros match en puisque prévision. C'est le derby ou le gros match en waterpolo surtout. Et dernier donc les Vipers. Le hockey sur glace, la patinoire Vegapolis était pleine, 1427 spectateurs exactement, soit le record de la salle quand même. Oui. C'est beau. Le record de la salle pour un match de comme de la Mosson contre Lyon. C'est ça, je rigole. C'est surtout parce que c'était le dernier match de la saison régulière en D2 hockey cette année, et c'était la réception du deuxième Chambéry et victoire 8-0 de Montpellier quand même. Bordel, wow. Ouais, petite claque en plus. Face donc deuxième de la poule B du championnat. Très grosse victoire de Montpellier pour clore cette saison régulière. Ils finissent 3e au championnat et donc il va avoir la veille des. Enfin, il va avoir les playoffs bientôt. Playoffs pour monter, ouais. J'aurais bien voulu faire les statistiques entières de cette saison, mais je pense que j'aurais pas le temps. Mais faut savoir qu'ils ont une très bonne différence de buts. D'ailleurs, la meilleure de D2 Montpellier. Donc, ça peut le faire. Avec notamment le meilleur total en attaque, 104 points, je crois. C'est qui leur meilleur buteur? Non, je rigole, ça marche. Vous êtes Uros Kalinic encore. Il fait tous les. Le seul qui connaît. Et donc, comme prévu, les playoffs verront s'affronter en 3 matchs. Montpellier à Rouen 2, donc deuxième équipe de Rouen. Ça commencera a priori la semaine prochaine, la semaine qui arrive. C'est jouable. Voilà, donc je pense que c'est tout sur le sport montpelliérain. Tout complet. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est le titre Passenger, mais c'est remixé par Kygo. Et c'est donc le titre Caravan. Belle. There's a girl who understands, like the back of her two hands, and she's all you need to know. As you search for years, but you lose everything you find. There's Braille for the deaf and a signpost for the blind. There's heaven for the cruel, but the devil waits for the kind. J'étais en train de reparler et on revient sur Sport & Chill. C'était le titre Passenger de remixé de Kaigo et c'était le titre donc Caravan. Et c'était sympa. Sans eux, attention. Hein, donc voilà. Ouais, à pas confondre avec celui de Raphaël. On va passer à l'Open Sud de France et un petit merci jingle que j'ai fait avec les sons de cette semaine qu'on a pris l'Open Sud de France jingle. Et voilà, donc c'était un petit jingle que j'ai fait bon, avec mes modestes compétences en son. Donc, c'était pas mal. Voilà. Non, c'était ouais, ouais, contrairement à la playlist de la Open Suite d'ailleurs. On va accueillir tout de suite Vincent qui doit être avec nous au téléphone. Salut Vincent. Salut à tous. Salut Vincent. Salut Vincent. Salut. Alors on va parler donc de l'Open Suite de France et on va faire un point sur la finale premièrement. On va réagir tout de suite après la finale. On a pris les sons de Gasquet et de Lucas Pouille. On va commencer peut-être avec la réaction de Gasquet. Bah non, j'ai perdu trois fois en finale, donc trois fois vainqueur, trois fois finale. Donc écoute, c'est une fois une fois sur deux. Voilà, donc là, ça a été quand même une très très belle semaine pour moi. J'ai battu énormément de très bons joueurs. C'est toujours difficile de perdre une finale, ça fait toujours, toujours mal. Mais bon, Lucas a très bien servi, et il a vraiment bien tenu son service. Il a été agressif, je savais qu'il allait faire ça, mais c'est vrai que sa qualité de service a bien déterminé la rencontre, quoi. C'est plus facile quand tu as une qualité de service comme ça. Il y a eu beaucoup d'ace. Voilà, beaucoup de services gagnants, donc non, il a bien joué, il a pris sa chance quand il fallait. Je savais de toute façon qu'il allait faire ça. Voilà, donc il y a toujours de la déception quand tu perds, mais c'est vrai que j'ai réussi à faire 5 matchs de suite de très haut niveau, donc c'est clair que c'est encourageant pour la suite, quoi. Est-ce que tu as quand même quelques regrets sur la finale ou pas du tout? Bah si, il y a toujours des regrets de perdre. Tant qu'il y a une défaite, il y a toujours des regrets. Qu'est-ce que tu aurais pu faire, que tu aurais aimé faire quand tu n'as pas réussi? Bah, pas se faire breaker au deuxième, à deux partout je fais des erreurs, beaucoup de revers, il y a toujours un peu plus de fatigue aussi. Voilà, avec les matchs depuis mercredi, ça me fait pas mal, mais il y a eu un peu des petits points, quoi. Un peu mieux servir sur le tie-break, voilà, ce qui fait que ça se joue un peu, du fait qu'il est servi très très bien. Mais bon, ça je savais déjà qu'il jouerait comme ça, quoi. On va reprendre après avec la réaction de Pouille. Juste, je voulais vous dire qu'il y avait victoire quand même, tout de même, de Lucas Pouille, ouais, 7-6, 6-4. On écoute tout de suite Lucas Pouille. Non, pas du tout. Non. Après, contrairement à hier, j'ai fait certes un meilleur match sur le plan au service, au plan du jeu. C'était meilleur. Après, il n'y a aucun moment où je me dis bah, il ne peut rien t'arriver. T'as sauvé des balles de match, il abandonne le dernier moment. C'est écrit, tu dois gagner. Ça, pour moi, ça veut pas forcément dire grand-chose. Après, Richard, on s'est joué quelques fois. Les dernières fois, j'avais gagné à Marseille l'an dernier, j'avais gagné à Vienne l'an dernier, en 2-7 aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un jeu qui me va bien, j'aime bien le jouer, parce que sa qualité de balle rebondit, j'ai du temps pour l'agresser et dominer les échanges. Donc il y a des types de joueurs comme ça où on se sent plus à l'aise. Ouais, je me sens à l'aise sur son jeu, j'aime bien le jouer, je me sens à l'aise sur son jeu. Et après, voilà, je sais, ça a toujours été assez serré au premier set. À Marseille, ça avait fait 7-5-6-2, et à Vienne, 7-6-6-2 ou 6-3. Donc c'est toujours très serré. Et puis à un moment où j'arrive à faire un peu la différence, bah, ça tourne dans ma faveur. Est-ce que tu as eu l'impression finalement d'infliger à Richard ce que Claude avait un peu infligé au service hier en demi? Ouais, j'ai extrêmement bien servi. C'est vrai que Richard, c'est un joueur qui retourne énormément de balles, et là il n'a pas eu une occasion pour me breaker. Il a été, je crois, deux fois à 40 seulement sur tout le match. Donc j'ai un pourcentage de premier service qui est élevé, et même en deuxième je servais très bien, donc ça ressemblait un peu au match que Joe faisait au service hier. Voilà, donc c'était les réactions des deux joueurs, des deux finalistes pour cette finale. Peut-être on va commencer avec Vincent, ton ressenti sur cette finale hier. Pas trop déçu. Ouais, un petit peu déçu, je pense, pour Richard Gasquet. Ouais, un petit peu déçu, surtout qu'il avait montré sur le tournoi que son jeu était là, notamment sur sa demi. Bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Voilà, et puis déçu parce que bon, quoi qu'il en dise, il a quand même eu des occasions. Certes, Pouille a très très bien servi en première balle, mais il y a eu pas mal de secondes à négocier, et là Richard n'a pas forcément été très très bon en retour. Donc il a raté pas mal de secondes balles de Lucas Pouille, où il aurait pu agresser et concevoir. Voilà, sur le premier set ça joue pas à grand chose, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Après, c'est vrai que le deuxième set, bon, c'est un peu plus compliqué, mais il a eu des occasions aussi. Le revers est un peu moins bien passé, donc voilà. Après, sinon, ça a été une belle finale, et c'est vrai que Lucas Pouille a quand même très bien joué, notamment au service. Il a été dans la lignée de ses deux premiers matchs où il avait été très solide. Alors certes, contre des adversaires moindres, mais il a quand même fait une finale très très solide, et il a vraiment... Non, je pense qu'effectivement, on était tous les quatre présents à la finale, Flo, Yacine et Vincent et moi. Je pense qu'on partage à peu près la même analyse. Et ce qu'a dit Lucas Pouille, alors qui peut paraître un peu dur pour Richard Gasquet, mais ce qu'il veut dire surtout, c'est que le type de joueur, effectivement, peut pas mal influer. Et alors, c'était à la fois intéressant, mais compliqué par Richard Gasquet, c'est qu'on a vraiment eu une opposition de style entre ces deux joueurs français, j'ai trouvé. Et je trouve que Richard a pas assez joué sur ses atouts et sur les points faibles, à l'inverse de Lucas Pouille. Il jouait, on l'a remarqué avec Flo, très loin de sa ligne, Trop loin, ça trop loin, trop loin. C'est ce qui m'a interpellé. Pouvoir avoir des bons retours sur Lucas Pouille et sur les quelques secondes balles intéressantes qu'il pouvait jouer de Lucas Pouille, il a fait un peu trop de fautes directes. Ouais. Bah, parfait. Si je peux intervenir, le problème de Gasquet qui joue 3 mètres derrière sa ligne de fond de cours, ça fait 15 ans que ça dure. Ouais, c'est toujours été comme ça, plus, donc, c'est malheureusement, moi je dis ça en l'adorant et avec toute la bienveillance possible, mais voilà, c'est terrible. Et sur ce match, c'est vrai que ça a été encore plus criant, mais voilà, ça fait des années que ça dure et malheureusement, c'est pas plus de 30 ans que... Ça va changer. Ah, justement, Vincent, comment t'expliques le fait que depuis le début de sa carrière, il a toujours joué comme ça? À quoi tu l'attribues ce souci? À ses entraîneurs? À lui-même? À quoi? T'aurais une explication? Il a eu des très grands entraîneurs, que ce soit des entraîneurs ou même des anciens joueurs, donc je vais pas m'amuser à critiquer leurs compétences. Après, moi, je sais pas, peut-être qu'il se complaît dans cette zone de confort, honnêtement, je sais pas. Pour moi, c'est une aberration qu'il joue loin parce que il a une main incroyable. On l'a vu notamment avec son revers. Sur deux matchs, ça a été un festival. Il a une main vraiment fabuleuse. C'est vrai qu'il a fait un gros tournoi quand même. Ouais. Comme souvent d'ailleurs. Et il pourrait faire un petit peu ce que fait Roger actuellement, c'est-à-dire de prendre beaucoup plus tôt, de prendre en demi-volée. Il a les capacités pour le faire. Après, je ne sais pas à quoi l'attribuer, pourquoi. Peut-être qu'il se complaît dans ça et que c'est difficile de changer ses habitudes. Quand il était gamin, peut-être qu'il jouait un joueur de fond de cours. Et que c'est difficile avec le temps de... Voilà, on dit Roger le fait par exemple beaucoup actuellement, mais lui était déjà un joueur offensif avant. Mmh. Et Gasquet ne l'était pas forcément. Et c'est dur de changer un peu comme Nadal peut-être aussi. C'est dur, on dit Nadal il faut qu'il aille plus vers l'avant, mais c'est difficile quand quand t'as pas été formé comme ça et que t'as surtout gagné en jouant ton jeu, c'est dur de se renier totalement. Bien sûr. Par contre, de ce que tu as pu me dire et que vous m'avez partagé pour ceux qui étaient présents au demi-finale, Richard Gasquet contre David Goffin, sans doute le meilleur match du tournoi. On va en parler après de ça. Moi, juste pour terminer sur Gasquet, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Vincent. Bon, en même temps il connaît bien le joueur. Moi c'est vraiment le regret que j'ai eu, outre l'aspect mental qui je pense n'y a pas fait permettre aussi, de passer un palier. C'est surtout ça, je trouve qu'il a pas, enfin j'adore son jeu, hein, j'aime beaucoup son revers évidemment et tout ça, mais je trouve qu'il a pas su évoluer vraiment son jeu, et comme il a déjà pas un gros service comme il l'a dit dans les moments clés comme ça, quand c'est serré, comme il a pas de gros service, mais il arrive peut-être pas à faire la différence, et comme il y a cette frilosité je trouve un petit peu sur les secondes, sur les jeux comme ça charnière où t'as perdu ton service et derrière tu peux pas breaker parce que effectivement t'es un peu frileux et tu fais pas toujours le bon geste sur les retours, ce qui fait que quand il est dans des moments importants comme ça dans un match assez serré, il arrive pas à renverser la situation en sa faveur. Ça joue aussi je pense en plus du mental. Après t'as raison, mais sur le match moi j'ai trouvé que justement il avait quand même pas mal été costaud au service et que c'est notamment en revers où il avait plus de mal. Il avait un revers un peu moins bien que d'habitude. Assez costaud sur un service sur le tournoi. Ah, mais il y a pas en ace, c'est. Oui, après c'est sûr que c'est pas Isner ou Karlovic, mais oui. Il y a quand même voilà. On va passer parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du tournoi lui-même. C'est ce que d'ailleurs je voudrais parler ici tout de suite. Juste avant le double, c'est les frères Skupski, donc ils sont britanniques, qui ont gagné le double de Montpellier face au duo donc Hugo Nice qui était français face à Ben McLachlan. Anne, je suis désolé, c'est très facile à dire, très britannique. Pourtant, il est japonais. Donc voilà. Ah, il est japonais, ouais. Donc voilà. Il succède aux frères Zverev. Exactement. Ouais, belle référence. Donc là, on a des réactions de Sébastien Grosjean, donc directeur du tournoi et ancien joueur. Samir Boujema, qui est directeur de TV Events, qui gère un peu le tournoi de Montpellier. Et des deux finalistes, Gasquet et Pouille, sur le tournoi en lui-même. On écoute ça. Ça dure quand même un bon 5 minutes. Ah, quand même. Alors, en tout cas, on va faire le point un petit peu sur cette 8e édition de l'Open Sud de France. En tout cas, en tant que directeur du tournoi, c'est une satisfaction cette édition. Sur le plateau sportif, on n'a jamais eu un événement aussi relevé, aussi dense, avec la totalité des joueurs français qui ont soulevé le saladier d'argent l'année dernière avec l'équipe de France, avec un joueur du top 10 comme David Goffin, des stars internationales, comme David Ferrer et tous les jeunes Russes qui étaient présents et également à l'Arena de Montpellier. Donc c'est vraiment un succès sur le plan sportif. C'est ma troisième édition en tant que directeur du tournoi et vraiment j'ai passé une semaine exceptionnelle. On a eu une grande fréquentation, on a eu beaucoup de monde sur toute la semaine, que ce soit dans la salle, dans l'aréna ou à côté au village et au Sport Call. Donc c'était une belle réussite, je suis très heureux. Alors moi, les quelques chiffres que je vais vous donner, mais allez, à la limite plus que des chiffres, c'est des faits marquants pendant cette semaine du tournoi. Et pour moi, en termes de fréquentation, il y a eu deux faits marquants, alors qu'ils sont différents. C'est d'abord le mardi. Alors je ne sais pas si vous étiez présent mardi, et notamment mardi soir. Vous vous souvenez que les matchs se sont terminés très tard, à plus de minuit, je crois pratiquement minuit et demi. Et on a vraiment été très impressionnés par le nombre de spectateurs qu'on avait encore dans la salle à minuit et demi. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous, parce qu'on se dit, eh ben, dans cette région, on a vraiment des gens, en tout cas on a vraiment un public qui est amateur de tennis et qui est prêt lorsqu'on lui offre, comme l'a offert Sébastien, en tout cas un plateau de qualité, le public peut répondre présent. Ça, c'était le premier fait. Et le deuxième fait marquant, alors ceux qui sont habitués à l'Open Sud de France, c'était la journée d'hier, la journée de samedi. Et très honnêtement, alors hier, on était pratiquement, comme on dit, sold out, c'est-à-dire la salle était complète. On a été très impressionnés aussi par l'affluence. Donc, globalement, ça donne quoi sur les chiffres? Alors, les chiffres, cette année, on a atteint, alors ça va être assez précis, 49 842 spectateurs, donc presque 50 000 spectateurs. Ça fait pratiquement 6,5% de plus que l'année dernière, on était à 46 800. Bah, tous les joueurs sont passés nous voir toute la semaine en nous disant, bah, écoutez... Écoutez les gars, la qualité de l'organisation, la qualité des moyens, fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un tournoi, c'est un des tournois dans lequel on se sent le mieux dans le monde. Donc c'est la voix des joueurs, mais c'est aussi la voix de l'ATP, puisqu'on a eu une visite surprise cette semaine. On a eu la visite de Chris Kermode, qui est le président de l'ATP, et qui est venu pour la première fois à Montpellier, et qui a été aussi lui très impressionné. Il est arrivé jeudi soir. Il a passé la matinée de vendredi avec nous et il a été très très impressionné par déjà la qualité des installations, mais aussi par la fréquentation et par le public qu'il a pu voir dans l'aréna, le public de passionnés et d'experts. Et donc ça l'a conforté dans le choix, en tout cas dans le choix, ça l'a conforté dans le fait que Montpellier, ben, est maintenant, même auprès des grandes instances internationales, en tout cas l'ATP, et une ville qui compte dans le circuit mondial. Même s'il y a une Coupe Davis juste avant, on a vu David Goffin, 7e mondial, après avoir disputé son premier tour de Coupe Davis, venir. Donc voilà, après ça sera des opportunités, donc il faut être vigilant tout au long de la saison, d'être au contact de tous ces joueurs-là, et de proposer un grand plateau pour 2019. Donc, ça va débuter dès la semaine prochaine, oui. Il n'y a pas de problème, je suis très heureux quand même de la semaine. Ouais, la semaine, j'aurais signé, parce qu'il y a eu quand même un tournoi très très fort. Tous les joueurs étaient solides. Dès le premier tour, c'était très fort. Donc pour un tournoi comme ça, c'était un plateau incroyable. Donc ça fait que je suis très heureux déjà d'avoir pu faire finale, quoi, même si effectivement tu as envie de gagner. Mais c'était déjà heureux d'avoir pu être en finale. C'est un des plus beaux tournois, hein, c'est clair. Voilà, ça progresse, il y a encore plus de bons joueurs qu'avant. Voilà, le tournoi est parfait, quoi, d'ailleurs. Beaucoup de monde vient, donc il y a eu une grosse progression cette année, je le ressens. Et voilà, je suis content d'avoir pu refaire finale, et j'espère revenir et pouvoir regagner à nouveau, quoi. Il est bien le tournoi, hein. Il y a quand même 4 cours, il y a une grande salle, tu vois, il y a des 500, même Bercy, c'est pas mieux, hein. tu vois, Bercy, voilà, tu te dis pas c'est mieux qu'ici, quoi. Ouais, le central est beau, Le cours numéro 1, il n'est pas plus mal qu'à Bercy. Voilà, moi je vois pas. Pour cette catégorie-là, le tournoi est incroyable. Quoi. Il pourrait être. Voilà, un 500, je vais à Rotterdam la semaine prochaine. C'est pas mieux qu'ici. Quoi. Donc sincèrement, l'organisation, tout est très bien. Il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Quoi. J'ai trouvé que c'était un super tournoi, une super organisation avec tous les bénévoles, tous les gens qui y participent sont géniaux. Donc j'ai passé une super semaine ici. Pour Richard, je comprends, il est à la maison. Il y a peu de semaines dans l'année où on peut dormir chez soi et jouer le tournoi. Pour ma part, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment quelque chose de génial pour lui, et j'imagine que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il se sent si bien à Montpellier. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment passé une super semaine et tout est fait pour que les joueurs soient bien ici. Sinon. Voilà, donc de retour, quand même de longues réactions, mais intéressante. Ouais. Mais bon, on a été accrédité, c'est pas pour rien. Donc, ouais. Faut régaler. Voilà. Mais c'est rassurant pour l'Open Suite quand même. On va faire donc avec Vincent un petit débrief, point positif, point négatif. Je vais surtout laisser parler Vincent parce que sinon on va être en retard. Moi, je vais juste dire très rapidement. Oui, mais point positif, un point positif sur l'organisation, c'est la billetterie quand même qui reste abordable tout de même pour un tournoi de ATP. Ouais, c'est intéressant. Surtout quand on est accrédité. Surtout quand même, il y a beaucoup de tarifs réduits et beaucoup de promotions qu'ils ont fait pendant cette année. On l'a vu à Noël, etc. Mais tout de même, un petit bémol sur ça, toujours pas de tarif night session pour voir deux matchs du soir. Ça, c'est regrettable. Il y a les gens qui bossent la semaine et tout, t'aimerais aller voir. Ça pourrait être bien. Donc voilà. Sur le match, mon point positif, c'est Goffin-Gasquet qui a eu donc lieu en demi-finale pour Richard Gasquet, pardon, 6-4, 0-6 et 6-3. Ouais. Malgré que les scores étaient passés, on en parlait avec Guillaume, il y a eu un match paradoxalement très serré et avec du beau jeu, et notamment un revers de Richard Gasquet qu'on a connu au meilleur de sa forme. Il y avait un beau duel de revers là, d'ailleurs, entre les deux là. Et puis, Goffin a été solide, hein, un peu comme on le connaît. Ouais. C'est d'ailleurs mon point positif de joueur, c'est Goffin, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui font l'impasse sur des tournois. Comme on parlait de jouer. Coucou Marin Cilic. Coucou Marin Cilic qui lâche. Il y en a beaucoup. Il y avait même aussi Feliciano Lopez il y a une année qui est au premier tour, s'est fait sortir par un Kidam. Bizarrement. Du coup, Goffin a joué le jeu parce que Gasquet était quand même meilleur sur ce match. Bon, après, peut-être qu'il serait allé chercher. Gasquet était vraiment très fort sur ce match-là. Il a fait un très bon match aussi. Et moi, je tenais à souligner donc le fair play, le fait que Goffin ait joué le jeu et qu'il n'est pas venu pour aller chercher le chèque et pour partir. Quoi. Non, c'est pas le genre de maison. Je peux juste réagir, Flo, par rapport à ce que tu dis. Oui. Il a joué le jeu sur le terrain. Et il a aussi joué le jeu en dehors. Ouais. Donc, on l'a dit, il a fait un tennis-ballon avec son gars et les filles du MHSC. Hmm. Il a aussi répondu aux sollicitations des autographes. Hein. Il a fait une séance de dédicace. Et on sait que ça, c'est pas tous les joueurs qui le font. On sait que les joueurs aiment bien avoir leur petit confort perso pendant le tournoi. Donc, aller à l'hôtel, aller s'entraîner, manger, jouer et repartir. Il y en a beaucoup, Lui a joué le jeu. Il était annoncé comme la star du tournoi, juste titre. Hein. C'est le meilleur classé. Il a une grosse fin de saison. Il était très humble, c'est vrai. Et il a aussi répondu, on va dire, aux sollicitations. Annexe du tournoi. On sent le bon mec, quoi. Ouais, je te laisse continuer sur tes points positifs. Faux. Comme on dit, il n'est pas venu pour enfiler des perles. On reparle pas rugby, toi. Ouais, Vincent, t'écoute. Vincent, t'écoutes pour tes points positifs. Assez rapidement, s'il te plaît. À toi moi, mes points positifs sur le tournoi, c'est vraiment l'organisation. Ça progresse d'année en année, on le voit depuis la première année. Moi, j'ai eu la chance de faire toutes les éditions il y a clairement du progrès avec ces quatre cours à l'intérieur de l'aréna. Ça, c'est vraiment splendide pour les joueurs. Et puis même, on sent, on l'a dit avec Chris Kermode qui vient, ça vient vraiment récompenser. Président de l'ATP, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc à la question qui est l'ATP, vous avez la réponse. C'est bon, c'est fait. Même, c'est qui l'ATP même si ce n'est pas que ça. Donc vraiment l'organisation du tournoi, tout est fait pour que ce soit bien. J'ai juste une petite anecdote à vous raconter, c'est une anecdote, mais depuis 2012, donc que Montpellier est passé à cette place un petit peu compliquée, juste après l'Open d'Australie et la Coupe Davis, En 2012, il y avait trois tournois à cette période-là, donc Montpellier, Vigna del Mar et Zagreb. Vous prenez 6 ans plus tard, ben, il ne reste plus que Montpellier. Voilà, et on a re-signé pour 50 et plus. Et que Zagreb est la capitale d'un pays aussi, hein, ce qui est pas rien. Ouais, c'est quand même. Montpellier a re-signé pour 50 ouais. plus, donc c'est très bien pour le. De quoi être optimiste. Alors qu'à un moment, on pensait que le tournoi allait disparaître. Ouais, c'est voilà, alors qu'on pensait que le tournoi allait disparaître. Donc voilà, la limite à ça, c'est qu'effectivement, Montpellier reste une petite ville et on ne peut pas attirer beaucoup de sponsors par rapport à une capitale comme Sofia, par exemple. Si je peux ajouter par rapport au fait que le tournoi allait disparaître, je crois que c'est Sorel qui en a parlé hier. La région ne voulait plus de tournoi et voulait vendre à Doha sa place enfin je sais plus si c'est Doha mais quelque chose à Dubaï ou Qatar ou je ne sais quoi et depuis donc ceux qui ont fait le forcing pour pas le vendre c'est notre regretté Patrice Dominguez qui n'a pas voulu le vendre et bon Sorel bon ça c'est un peu plus un côté comme mais grand amateur de tennis aussi donc mais il faut lui il faut lui rendre hommage aussi voilà ça sera vraiment la seule limite de Montpellier dans les prochaines années. Voilà, s'il y a une grosse ville ou qui met du pognon pour acheter la place de Montpellier, là malheureusement on risque de perdre le tournoi, mais sinon, que ce soit sur le plan financier des joueurs, on le voit même regarder les tableaux par rapport à Quito ou à Sofia, sur ce créneau là on est largement au dessus et puis franchement quand on parle de Montpellier c'est vrai que tu le soulignais avec justesse mais étant une ville secondaire et quand on regarde un peu le tableau des équipes qui reçoivent des villes qui reçoivent des tournois ATP c'est que des capitales ou des métropoles ou même après, des grosses villes c'est vrai que le cap soit dur à passer. Montpellier a réussi à se faire une place au soleil et qui n'a rien à envier déjà à l'Open de Moselle ou à l'Open 13 quoi. C'est sûr par rapport à l'Open 13 je sais pas s'il y en a qui y sont déjà allés, mais certes ils ont un tableau qui est supérieur. Ça c'est dû à leur position qui est plus tard dans le mois de février. Ils ont aussi une métropole, donc plus de moyens financiers, c'est le nerf de la guerre, mais si vous prenez les installations... Ouais, elles sont moins bien. Ouais. Allez à l'Open 13, si vous avez la chance d'y aller Je suis allé une fois, c'est vrai que c'est pas terrible. Par rapport à l'Arena... Tu peux enchaîner peut-être sur ton match favori. Moi, mon match favori, j'en ai évidemment Piqué, Gasquet, Gauffin. Voilà, moi j'en ai gardé 3 en plus. Pas le match aussi. Il y a eu Tsonga Mahu qui m'a bien plu, 3 tie-break. Voilà, sachant que Mahu, un peu comme Pouille, avait failli disparaître la veille du tournoi, mais il a vraiment sorti un gros match. Ouais, il a acheté, dans une belle opposition de style, un beau service volé. Gasquet Herbert aussi, que j'ai bien aimé, pareil, 3-7. Une opposition de style avec Gasquet donc en fond de court et Herbert qui joue le service volé, il a bien embêté. Avec le même entraîneur d'ailleurs, Santoro. Voilà, avec le même entraîneur, il devrait se rejouer là à Rotterdam au premier tour. Voilà, et puis un dernier match, c'est le Khachanov Ferrer du premier tour, donc c'est le jour là qui a été dit, qui a terminé à minuit et demi. Ouais. Donc un gros match en 3-7 ou voilà. Ok, j'aurais bien voulu parler de ton joueur favori, je pense que c'était Gasquet, mais on a déjà bien parlé tout à l'heure. J'aimerais bien passer au point négatif. Je vais commencer avec toujours l'organisation, cette fois-ci les wildcards, un peu décevant, puisqu'il y avait Lucas Pouille, ce qui est bien, c'est le vainqueur étant donné. La deuxième wildcard, on a donné à Beneteau, qui n'a pas fait long feu dans le tournoi, et juste parce que bon, c'est sa fin de carrière. Comme à Paris-Bercy, quoi. Il fait le tour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi pour Beneteau sur ce tournoi-là, malheureusement. Et la dernière, là, c'est pour moi très compliqué, puisque c'est Calvin Emery, qui est classé plus de 100e mondial. C'est compliqué de. Surtout qu'il n'y a pas eu trop de communication au niveau de ça. On attendait la wildcard. Elle est sortie. Enfin, personne n'en a parlé. Et elle est sortie parce qu'on l'a su au tirage au sort au moment même, quoi. À l'instant T. Donc voilà, c'était moyen au niveau de ça. Peut-être la communication des wildcards. Surtout que bon, Wawrinka devait venir, malheureusement, et il est parti à cause de Sofia de Dimitrov. Ouais. Et Berdych, mais je vais en parler tout de suite après. Le match qui m'a. Le point négatif du match, c'est pas forcément un point négatif, c'est que c'était le match Mahu Brown, Dustin Brown. C'était un très beau match, belle opposition de style encore une fois sur ce match-là. Et Dustin Brown qui avait 2 balles de match. se blesse à la toute fin. Dustin Brown, qui est un favori d'ailleurs, un chouchou pardon, du public montpelliérain, ouais, et qui se blesse au dernier moment, mais d'une manière assez bête malheureusement. Il était par terre, il aurait pu se relever ou quoi que ce soit, en larmes forcément, alors que c'était un match pour lui, et c'était vraiment dommage de voir ça, surtout que c'était au début du tournoi, et surtout pour un joueur assez fantastique, assez plaisant d'ailleurs sur le court. Gagner les cœurs. Et à Montpellier, il fait toujours des bonnes choses. Donc, c'était surtout que l'année dernière, il s'est aussi blessé dès le premier tour. Donc, c'est dommage. C'est un habitué du tournoi. Ouais. C'est un habitué du tournoi. Je pense qu'il a déjà fait une demi dans mes souvenirs. Et je pense qu'il y a des supporters, effectivement, enfin des amateurs de tennis plutôt, qui viennent avec plaisir pour voir, par exemple, ce genre de joueur. Parce qu'il y a Justin Brown tel jour qui va jouer son match. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que c'est spectacle. C'est un joueur attachant aussi. Du coup, par défaut, il y avait le double Benoît Paire Dustin Brown, vous en rappelez, je vous l'ai dit la semaine dernière, et qui a dû être forfait du coup, puisqu'il n'a pas pu jouer. Une paire de coups. Et voilà. Dernier point négatif au niveau d'un joueur, c'est Thomas Berdych, forcément. Ouais, les absences. J'aurais pu citer Stan Wawrinka aussi, qui a failli venir à Montpellier, mais je crois que c'était par rapport à Sofia, du coup, on l'excuse. Ça aurait vraiment fait un beau tableau. Thomas Berdych, je crois que c'est la troisième fois qu'il nous fait le coup. Surtout que Thomas Berdych, il est éliminé en quart de l'Australian Open rapidement, parce que Federer a mis une rouste à ce moment-là. Il n'a pas fait la Coupe Davis. Ouais. Il a eu quasiment 2 semaines, tu me diras Vincent si je ne me trompe pas, pour récupérer. Il n'a aucune excuse. Ça fait plusieurs fois qu'il fait coup à l'ATP de Montpellier. L'ATP, il faudrait peut-être qu'il commence à voir peut-être pour un jour sanctionner les joueurs qui font des coups comme ça. Voilà Vincent, peut-être tes points négatifs à toi. Ouais, alors mon point négatif en ce qui concerne l'organisation, ça serait, enfin le tournoi en général, ça serait surtout par rapport au grand public et à la billetterie, on va dire. Moi, l'année dernière, j'avais acheté un billet pour un jour, je sais plus, en fin de semaine, le jeudi, je crois, et il y avait un seul guichet d'ouvert à une demi-heure que les matchs commencent, quoi. Et ça traînait en longueur. Voilà. Déjà, juste avant de préciser, c'est pas le tournoi qui fait ça, c'est Events, je sais plus, TV Sport Events qui gère ce truc, mais oui, je te laisse continuer. D'accord. Bon, très bien. Voilà, donc j'avais râlé à propos de ça. Bon, cette année, j'ai pas eu à acheter de billets, fort heureusement, mais j'en profite à la radio pour te remercier, merci. Florian. Voilà. Il y a une autre histoire comme ça, c'est samedi. Je suis allé chercher un ami dehors et il y avait une seule porte à l'aréna ouverte. Alors que c'était complet samedi. Hein. Ouais. Voilà, donc il y avait deux portes qui étaient ouvertes pour les VIP. Donc ils ont été obligés de mettre les gens en VIP pour que ça rentre, quoi. Mais voilà, 5 minutes avant que le match commence, il y avait, je sais pas, une demi-heure de queue. C'est pas la première fois, tu te dis, voilà, ouvrir une porte. En plus, ils savaient très bien que c'était sold out, comme Boudjema a dit. C'était plein. Et au final, voilà, ils t'ouvrent qu'une seule porte. Enfin, je trouve ça un petit peu ridicule. Ouais, pas super intelligent, quoi. Et au vu de la qualité du tournoi, effectivement, un peu surpris, on a dit aussi, de l'affluence en finale. Contrairement à des demi-finales où il y avait beaucoup de monde et où il y a eu une belle ambiance. Après, à savoir, tout simplement, peut-être que tout le monde attendait une finale un peu inédite et des meilleurs des joueurs Français, sur le papier, Gauffin de Tsonga ou Gauffin Pouille, en adorant l'enfant du pays qui est Richard Gasquet, peut-être un effet aussi de lassitude de ce type d'affiche 100% français. Après moi, moi je suis un peu d'accord, mais un autre truc, c'est que quand moi par exemple j'achète mes billets, je sais que je les prendrai jamais pour la finale, parce que c'est plus cher pour ce que tu vois, en fait. Tu vois un match, le double. Voilà. Donc, alors que par exemple, le vendredi aussi, il y avait énormément de monde. Le vendredi, tu vois 4-5 matchs et tu payes deux fois moins. Donc je pense que pour les gens, ça joue aussi. C'est plus intéressant. Je suis bien d'accord. Tu continues sur ton match? Sur mon match en négatif? Oui. Écoute, j'en ai pas beaucoup. Tant mieux, écoute, on va passer aux joueurs comme ça, parce que sinon on n'aura pas le temps. C'est plus simple. en joueur non plus. Enfin, peut-être voilà, un match et un joueur, peut-être Daniil Medvedev, voilà, qui est un jeune et qui s'est pris 6-0, 6-2 face à Gasquet. Donc voilà, peut-être un petit coup de gueule. C'est un bon début de saison. Il gagne un titre avant l'Australie, là, où c'est à Sydney, je crois. Et puis là, assez surprenant, moi je m'attendais vraiment à un gros match. Pour un premier tour, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile pour Gasquet. Voilà, je suis un petit peu déçu de ça. Il a dû visiter la ville. Alors 20 secondes, je laisse Yacine parler de ce qu'il voulait dire, juste 20 secondes. Oui, mais c'était juste pour le seul point négatif qui me venait à l'esprit, parce que Vincent a parfaitement résumé ce qui s'était bien passé, ce qui avait cloché pour cette édition, c'était... Au niveau de l'ambiance générale, moi j'ai eu la chance d'y avoir été vendredi et dimanche, mais ce qui m'interpellait surtout vendredi, c'était, tu te rappelles Vincent, qu'on était à peu près placé à mi-hauteur, hein, en tribune C ou D, et au-dessus il y avait les loges VIP. Et qui ont fait beaucoup de bruit. Oui. Et ça, c'était vraiment très gênant. Alors déjà, oui, en fait, ils faisaient un tel bruit qu'à tel point que beaucoup de supporters qui étaient en bas, qui avaient à peu près payé les mêmes, qui devaient avoir payé 20 euros pour la journée, etc., se sont retournés pour leur demander à plusieurs reprises de se taire et de... C'est quelque chose qui cloche l'Open Tour de France, là où les VIP sont... vraiment beaucoup privilégié dans le tournoi, avec beaucoup d'organisation, de fêtes, quoi que ce soit pour eux, mais pas pour le grand public. En fait, j'essaie de régler un peu le problème. Des fois, j'avais l'impression qu'il y avait quasiment un manque de respect. Le bruit était vraiment... Quand t'es riche, tu t'en fous. Bon. Je te remercie, Vincent, d'être venu nous voir malgré que tu sois un peu malade aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoute, pour vous raconter un petit peu la scène, j'ai fait le... Vous m'avez appelé, je suis dans mon lit, là, sous ma couverture. Donc... Reste bien au chaud. C'était pas de la première émission. Ça. Et toi, les highlights de Gasquet, endors-toi tranquillement. Ouais, je pense que je vais faire ça, les gars. Vous voyez, je n'ai même pas la force de faire le quiz. Donc, c'était je sais pas s'il va se faire, puisqu'il nous reste 10 minutes seulement. Donc, tu vas pas nous appeler le quiz. Il reste 10 minutes d'émission. On le fait en off, sinon. Donc, je vais passer tout de suite à notre interview de la semaine. Ouais, bonne soirée, merci Vincent. À notre interview de la semaine, c'est Cédric Moyet, directeur des arbitres de l'Open Sud de France, qui nous parle un peu de Hawkeye et des sélections des arbitres pour le tournoi et l'évolution tout simplement du tournoi. Sport and Chill, l'interview. L'interview Chill. Je voulais savoir comment les joueurs réagissaient au Hawkeye cette année. Et donc, est-ce ça fait venir plus de joueurs dans le tournoi, ou est-ce qu'ils réagissent du coup positivement à l'instauration du Hawkeye ? Je pense que les joueurs, ils sont maintenant. Ils ont assimilé le Hawkeye et ils jouent de la même façon. Enfin, c'est pour eux quelque chose qui est installé dans les tournois et ils ont pris l'habitude de jouer avec ça. Et pour être honnête, je ne sais pas si. Je pense qu'ils avaient. Oui, maintenant c'est obligatoire. Et je pense que c'est quelque chose qui demandait quelque chose qui en fait était un petit peu à la fin du tournoi. Et c'est quelque chose qui fait qu'ils sont plus confortables quand ils jouent avec le Hawkeye. Donc c'était demandé. Et puis effectivement, l'ATP a rendu ça obligatoire en 2018, donc des années. Parce que je sais qu'à Roland-Garros, ils avaient enlevé le Hawkeye dernièrement. C'est pas c'est si c'est un peu jasé. C'est sur terre battue et qu'on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'utiliser sur terre battue normalement. Et d'autant plus que Roland Garros, c'est ITF, c'est pas ATP. Oui, c'est ça. Les règles sont différentes. Oui, parce qu'à Madrid, il y est, il me semble. Non, non plus. Sur aucun tournoi. Alors d'accord. Après, ils peuvent l'utiliser s'ils veulent, mais ça n'a aucun impact sur le jeu. On ne s'en sert pas. On n'utilise pas parce que vous comprenez bien que la façon de juger une balle sur terre battue, pour nous, juger une balle sur dur, est quand même totalement différente et qu'il y a des règles. Et des procédures qui gèrent le tennis et les tournois d'ATP. Donc, on se doit de suivre ces règles et ces procédures. Est-ce que les arbitres sont soulagés d'une technologie comme le Hawkeye ? Oui, je pense que ça a été quelque part un plus parce que on n'aimait bien sûr pas faire l'erreur d'arbitrage à 4-4 au troisième en sachant les conséquences que ça pouvait avoir sur une balle de break ou quoi que ce soit. Donc effectivement, ensuite, nous sommes des êtres humains, donc comme tout être humain, des balles qui vont à plus de 200 km/h sur une ligne qui fait 5 cm de large, c'est pas toujours facile d'être précis et juste. Donc ce qui fait que oui, quelque part, ça a permis au moins d'avoir ce sentiment d'avoir les moyens d'éviter quelques erreurs d'arbitrage qui sont pas toujours évitables du point de vue humain. Puis c'est vrai qu'au niveau du public, il y a aussi les statistiques qui arrivent entre les jeux. Ça permet d'avoir une meilleure appréciation d'un match, par exemple. Plus interactif, peut-être plus. Le public se sent un peu part de ça. Regarde, on les voit regarder en l'air sur le tableau de score, savoir si le joueur va utiliser le Hawkeye ou pas. Donc on a l'impression qu'ils sont plus partie prenante du match. C'est vrai. On voulait parler un peu du tournoi en lui-même. Ça fait longtemps que vous êtes dans le tournoi de Montpellier. Comment vous jugez l'évolution, autant sur le point de l'organisation, mais aussi sur le point sportif? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une meilleure rivalité, peut-être une meilleure concurrence à Montpellier? Non, je trouve qu'à Montpellier, il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Je pense que l'outil de travail est magnifique. Ça, il faut le reconnaître. C'est le seul 250 avec 4 cours indoor, enfin 4 cours de tour de match, ouais. Plus 2 cours de practice. J'imagine que ça n'existe pas dans le circuit ailleurs à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà, ça rend le tournoi un petit peu unique de cette partie-là. Ça rend le travail beaucoup plus facile. Ça rend l'entraînement pour les joueurs beaucoup plus facile. Ça rend beaucoup de choses qui sont beaucoup plus accessibles et donc ça peut permettre d'oublier quelques petits détails qui fonctionneraient moins bien. Chaque année, Montpellier a fait les efforts, le tournoi a fait les efforts pour améliorer vraiment les tout petits points qui étaient demandés ou recommandés par l'ATP d'être améliorés. Donc ça a été fait chaque année et je pense qu'aujourd'hui on arrive à un niveau qui est très agréable pour moi, en tout cas de travail, puisque en étant entre l'ATP d'un côté et l'organisation et les désirs de chacun, je m'aperçois que, vous voyez, les radios ne parlent pas beaucoup, donc c'est que du coup tout va pour le mieux et l'ATP est très contente de voir que le tournoi fait chaque fois les efforts et je pense que le tournoi est très content de voir que l'ATP valide ses efforts et puis on est conscient aussi. Peut-être avec Chris Kermode qui est venu, ça renforce un peu cela ou... Je sais que ça fait très plaisir au tournoi, ça c'est certain. C'est des choses qui font énormément plaisir à un directeur de tournoi de savoir que le grand patron d'ATP vient les voir. C'est des deux côtés, c'est des choses qui sont bien sûr très très appréciées du tournoi. C'est une forme de reconnaissance, j'imagine, pour le tournoi de savoir que le grand patron d'ATP vient voir et donc se rend compte de toute la capacité de cet outil de travail, de tous les efforts qui sont faits par l'organisation, par l'équipe. Et je pense que oui, c'est positif pour tout le monde. On voulait savoir comment ça se passe le choix des arbitres dans des tournois comme celui-ci. Est-ce que c'est les arbitres qui choisissent les tournois auxquels ils arbitreront ou c'est vous qui choisissez ça? Non, c'est pas nous, même le tournoi. Le tournoi n'a pas. Enfin, le tournoi fait confiance à l'ATP dans ces cas-là. Les arbitres sont désignés par l'ATP en fait. Il y a 4 arbitres qui sont désignés par l'ATP et qui sont envoyés de façon géographique, de façon des critères qui rentre en compte. Effectivement, on va pas envoyer 4 arbitres français sur un tournoi en France, parce qu'il y a beaucoup de joueurs français, de ces choses-là, de leur capacité, de leur grade, de leur diplôme. Donc tout ça, c'est un mix de tout ça qui fait que l'ATP désigne 4 arbitres ici, et le tournoi en présente 2-3 autres pour aider aussi dans les qualifs et dans les premiers tours. C'est vrai qu'il y a un roulement, un bon roulement, puisqu'on avait Mohamed Layani, Carlos Bernardes qui avait Carlos, des... Mohamed sont venus, Damien est là maintenant. Voilà. De la crème. Voilà, de retour sur Sport & Chill, c'était l'interview de Cédric Moyen. On leur remercie d'ailleurs d'avoir pris du temps pour nous, supporters des Verts. Hein. Ça sera le répéter. Donc on félicite. On continue tout de suite sur le jingle quiz. Sport & Chill. Le quiz. Et c'est un quiz spécial à 6 nations. C'est bon, ça va le faire. On va avoir notre petite musique qui fait peur. De France. Je vais avoir la cuillère dans le bois, moi aussi. Pas très compliqué en ce moment. Ouais. Première question. En fait, il y a deux questions qui a dit. Plusieurs questions histoire des 6 nations. Deux questions tournoi 2018 et après quelques questions un peu spéciales. On verra ça plus tard. Très bien. Tu nous mets l'eau à la bouche là. J'ai l'espoir et l'impression que nos erreurs partent plutôt d'une bonne intention. Tout le monde veut faire le maximum, sauf que ce surplus d'engagement s'effectue au détriment de la maîtrise de la discipline. Brunel ? Non. Girado ? Tonsen ? Non. Laporte ? Non, c'est un joueur de l'équipe de France. Ouais. Tonsen, donc je connais. Toi. Didi Thomas ? Tolègue ? Non, ça va être. On va voir qui c'est qui aura le premier, c'est au hasard. Hein. Moscato ? Non. Boxis ? Machno. J'aurais bien voulu donner un indice, mais Yacine il connaîtra. Makatawa. Ah, mais c'est un indice sans le dire, ça. Lamera. Rémi Lamera. Rémi Lamera. J'allais dire, c'est le même prénom que mon père. Donc, J'avais tous les frères. Belle. Romain, ça pas aidé quand même. Deuxième. Lamera qui a pas été super d'ailleurs sur ce match. Qui a dit: le point négatif, c'est de concéder ses essais, Nous espérons que cela ne nuira pas trop à la fin. Peut-être sur le différentiel de points. Mais je pense que l'Irlande joue mieux que l'Angleterre. Eddie Jones. Schmidt. Townsend. Non, c'est un joueur qui a encore pris une fessée. C'est français alors. Parissé. Sergio Parissé, vous l'avez dit en même correct. Temps. Théo et Yacine, point chacun. Question histoire. Bien vu. Ah. Quelle est la date de la Seconde Guerre mondiale? Rapidité. Histoire du tournoi, pardon. Quelle est la particularité des trois vainqueurs de ces titres-là? Je vous l'ai dit, les titres. Meilleur marqueur, meilleur réalisateur. Ils sont tous et irlandais. Plus d'apparence. Ils sont tous irlandais, oh, oui, point. Joli. Pour Romain. Et ils sont que deux d'ailleurs. Ronan O'Gara et Brian O'Driscoll. Oh, oui, Ronan O'Gara, 557 points, meilleur marqueur. Énorme, ouais. Brian O'Driscoll, 26 essais et 65 matchs. Donc, meilleur plus marqueur d'essais et plus de matchs. Question rapide. Non, on va faire tout de table. Dans le ratio, attention, ça va être compliqué à expliquer. Dans le ratio de victoire aux 6 nations et le nombre de participations. Donc victoire-participation, d'accord. Ouais. Qui des 6 équipes a le meilleur des ratios? D'accord. Commence pas par moi, déjà que c'est un quiz rugby. Soit une chance sur 6. T'as dit 6 nations gagnées ou victoire Une chance sur 5. 6 nations gagnées sur le nombre de participations. D'accord. Une chance sur 5, ouais, statistiquement. D'ailleurs, par Romain, s'il vous plaît. Romain, commence. Comme ça, ça équilibre un peu le tout. Moi, je dirais la France. La France. Oh. Je dis la France aussi. Raconte un son. La France. Angleterre. L'Angleterre. Ouais, moi aussi Angleterre. Oh, c'était entre la France et l'Angleterre, mais je dis qu'on a démarré point plus tard. Pour Théo et Guillaume. Allez, j'en mets un rugby cam, c'est bon. Pour une fois, je remercie Angleterre, les Anglais. Angleterre, c'est déjà une grande victoire. Merci, 31,4% de victoire. Et le deuxième, c'est même pas les Français, c'est les Gallois. Ouais. Avec 30,1% de victoire. Les Français, troisième, 28,4%. Bah attendez, les gars, on a eu Saint-André, nos amis. L'Écosse, Écosse, 17,9%. Irlande, 17,1%. Juste derrière, donc l'Irlande devrait bientôt repasser devant, peut-être. Et l'Italie, du coup. Italie, 0. Ah, ouais, c'est bien. On a eu ce créneau aussi. Toujours question histoire du tournoi. non, record, pardon. Johnny Wilkinson. Attendez, je vais faire un tour de table encore. Ouais. A le record du nombre de points marqués dans un tournoi. Ouais. Il devance Ronan O'Gara et le français Gérald Merceron. Combien a-t-il marqué de points? Donc c'est en 2001, année du record. Commence par Théo. Allez Théo. Ouais, je vais commencer par Théo. Il n'aura pas par les bouts de table, c'est pas bien. Ah, sinon j'ai aucune chance. Ça fait énorme. Moi ouais, je pense à un truc. Tu parles de quoi là? Allez, je dirais 90. 90. J'hésitais avec un nombre, mais je le voyais un peu trop gros, mais je maintiens. Hein. N'est pas peur 140. Ah ouais, 140. Ouais. Ah, quand même. Ouais, j'aurais pas dit autant, non. Ouais. 97. 97. Allez, 90. Je coupe la part en deux. Comme Théo, du coup, 90. Ah non, ouais, pas comme Théo, 95. T'aurais dû faire comme Théo, Théo est le plus proche. 89 exactement, point. Point pour Théo. Et donc le deuxième, c'était O'Gara en 2007, 82 points. Merceron en 80 en 2002. A noter quand même que Wilkinson est bon, premier, quatrième, cinquième et septième de ce classement. Quasiment 20 points par match. 89 fois, ce que j'allais dire, ça fait 20 points par match quasiment. C'est correct, c'est énorme. C'est énormissime. Ouais. Autre record, on va faire rapidité. Malgré le fait que Philippe Sella ait joué 13 fois les 6 nations, Roland Bertrand, Serge Blanco, Sylvain Marconnet, Fabien Pelouse, 11 fois, aucun de ceux-là n'a le record de nombre de matchs disputés dans le tournoi. Avec 38 matchs disputés, qui sont les 3 joueurs français à posséder ce record? Combien, 38? On a le droit à l'erreur ou pas? Oui, on a le droit à l'erreur. Ibanez, la Pelouse, Dominici. Tu non, notes, aucun pour l'instant. Ah. Dites un par un plutôt. Ah, un par un. Le premier qui a, je donne le point. T'as avoir le plus de matchs dans le tournoi? Ouais, 38 matchs disputés dans le tournoi. Du sautoir, ouais, c'est ce que je veux dire. Magne? Non. Olivier Magne? Non. Pelouse? Non. T'as cité Blanco? J'ai dit Pelouse. Benzel, Serge Benzel, ouais. Non. Serge Blanco. Emilien Tabac? Non. Yajvili? Non. Eddie Salde? Non plus. Ah, À peu près des joueurs de la même génération. Bonner. Bonner, point. Harry Nordoki. Harry Nordoki, point. Oh là là, c'est comme un frelon là. Josion. Et Poitrenaud. Trail, et t'as dit quoi toi? Josion. Et c'est qui a été Poitrenaud? Non. Il manque les trois là. Il manque William Servat. Masse. Nicolas Masse, point pour Théo. C'est lui, il a cherché un joueur. Ancien joueur de 2018. Je suis dégoûté. Question à deux points. Rapidité. Qu'est-ce que la Old Alliance dans les 6 nations? Old, ça s'écrit pas avec un O, hein, ça s'écrit avec A-U-L-D. C'est Écosse-Irlande, le match Écosse-Irlande? Non, c'est Écosse-France. Non. Irlande-France. Si, Écosse-France, pardon. Oui, ouais. Parce que c'est le match pour les combattants écossais qui étaient venus pour la Seconde Guerre mondiale. Ah, joli. Comme la Calcutta Cup entre l'Angleterre et l'Écosse. Merci Mathieu Lartaud. Ou le trophée. Ah, il a dit ? Je crois, ouais. Ah mince. Ah, je me rappelle. Ou c'était sur Rennes. Je crois que c'était une question énorme, mais. Pas original, le poulet, quoi. Le trophée Eurostar avec le Crunch ou le trophée Giuseppe Garibaldi entre les pays latins. Le trophée Old Alliance récompense le vainqueur du match entre l'Écosse et la France depuis cette année 2018. C'est beau. Il est créé à l'initiative de Patrick Coblo pour rendre hommage aux joueurs de rugby français et écossais morts pendant la Première Guerre mondiale. Old Alliance, c'est du Scottish. Old Anglais. Alliance, donc du 13e siècle entre la France et l'Écosse. C'est vrai, c'est cool d'avoir ça. Eh bien, on l'a perdu en tout cas. Il y a des trophées sur chaque match. Il a failli avoir le trophée du scooter entre Montpellier et Toulon, mais ça fait... Tournoi 2018, on parle du match délocalisé, rapidité, à Marseille pour France-Italie. De ce fait, on se rapproche de la frontière italienne. Donc, mais chez les femmes, c'est également la même chose. Où se déroulera le match ? Toulon ? Nice. Nice. Ouais. Non. C'est trop. Turin. Turin ? Non. Non, c'est en France du coup. Ah, c'est en France, pardon. Non. Menton ? Non. Non. Chambéry ? Non. Grenoble ? Saint-Just ? Non. Albertville ? Non. Gap ? Annecy ? Grenoble ? Non. Ça va aller rapidement aussi, je vous dis le... Le département ? Non. Je pense que les Italiens pensent que toujours que ces territoires est à eux. Savoie, c'est en Savoie. Ouais, c'est en Savoie, mais... Non, puisque... Non. Menton ? C'est un autre territoire, on va dire. Vintimille. Paris ? T'es le mec. Je l'ai pas là, c'est terrible. Je l'ai pas. C'est pas en territoire. Val d'Aoste. Corse. Ajaccio. Ajaccio. Bastia. Bastia, on va compter. Ouais. Furiani à Bastia. Bon, oh, je te mets quand même le point pour Furiani. Ouais, il a pitié de moi. Qui suis-je ? Deux points. Né le 26 avril 1973, j'évolue au poste de demi-d'ouverture, voire trois quarts centre. Robin ? Lionel Boxis. Contrairement à de nombreux rugbymen qui ne bougent que très rarement de club et de pays, je change de nombreuses fois de club en peu de temps, de l'Angleterre avec Northampton, à l'Écosse avec les Border Rivers, en France avec Brive, Castres ou encore Montpellier, en passant même en 2004 par les Sharks en Afrique du Sud. Ma célébrité, entre guillemets, je la dois surtout à mes 82 matchs en sélection et mes 164 points, à la fois en tant que joueur mais en tant qu'entraîneur aussi dans ce même pays. Le pays où je suis né, d'ailleurs, à Édimbourg. De 2008 à 2012, je m'occupe des arrières en Écosse, puis je pars faire un quinquennat chez les Glasgow Warriors avec une belle réussite. Grégor Townsend. Ah ouais, avant même au rugby, il est imbougeable, quoi. T'as avec les gars, faut respecter. En 2017, je suis Grégor Townsend, sélectionneur du 15 du Chardon. Il va tout rafler, lui. Un point sur les scores. Dernier point. Je suis en retard. Théo 6, Yacine 5, Guillaume et Romain 2. Finale, 2 points. C'est un Romain quand même sur le rugby. En plus, elle est longue cette question. Tu me déçois. On va faire un tour de table. On va commencer par Romain. Attention. Je suis pas en forme. Si tu dis une mauvaise réponse, tu es éliminé, comme tout le monde. Attends la question. Il y a un an, c'est joué France-Écosse avec Guy Noves. L'équipe de France avait gagné 22 à 16 contre l'Écosse. Et la feuille de match n'était pas tout à fait la même. Quelle était la compo d'équipe du 15 de France ? Un joueur chacun. Je crois que j'ai pas passé. Sortez pas les gros, les gars, s'il vous plaît. Oh non, je sais pas. Allez, les gars, il est 56, faut se dépêcher. Allez, c'est maintenant. It's time. C'est pas grave. Moi je le dis. Scott Spedding. Scott Spedding, point. Enfin, point. C'est bon. Yes, c'est bon. Ouais. C'est Ike Mentaliste maintenant. Guillaume Guirado. Guirado, c'est bon. Oh là là là, il me l'enlève. Il me l'enlève. Putain. J'ai tenté quelque chose, moi. T'attends, moi aussi je tente Zardeski. Non, yes. Éliminé. Je serai pas dernier. C'est une grosse cote. Trinduc. Non plus, éliminé. Oh. Il reste plus que deux personnes. Maestri. Ah ouais. Oui, Maestri. Oh purée. Si j'avais dit, j'avais tenté. Oh, je l'ai là. Oh, je suis du con, putain. Allez, Lamera. Lamera, oui. Romain. Ah, ils sont solides. Il perd jamais. Louis Picamol. Picamol, oui. Il l'a volé. Ouais, il l'a volé. Dire, là. Aïe aïe aïe. Là j'hésite entre Slimani. Non, Slimani, était... joueur de la GE. Il est rentré en cours donc non. Il est rentré. C'était Antonio qui était à sa place. Bravo Romain. Il y avait point pour Romain donc 2 points. Nakaitasi, Fikou, Vakatawa, Lopez, Serin, Gourdon, Goujon, Vahamina et Cyril Baye. J'hésitais avec Camille Lopez. Oh, j'ai vraiment, dire, ouais, donc Théo, victoire de Théo 6 points, Yacine deuxième 5 points. Non, c'est le contraire, je crois. Romain, victoire de Théo 6 points. Ah ouais. Ouais. Okay. Yacine 5 points, Romain 4. Fair play Yacine. Bon. Guillaume 2 points, quand même 2 points. Pas pour, si mal pour rugby, ouais. Sans l'honneur. On va passer à l'agenda tout de suite parce que sinon merci. On n'aura plus le temps. Tu peux enlever vraiment. Cette petite musique qui fait peur même pour ouais, moi que tu l'aimes comme tu veux. Stress. Ouais, parce que l'agenda Jeux Olympiques, ça l'agenda pas forcément Yacine peur, hein. Football. Ouais, non. Oui, alors j'arrive, hein. Attendez juste. Ah bon, je vais continuer parce que sinon on va pas. Le hand, retour du championnat cette semaine, Chambéry, Montpellier, PSG Saran, Saint-Raphaël Cesson et Nantes Dunkerque. En cyclisme, le Tour d'Oman avec notamment Nibali qui est sur le tour. Le Tour de l'Argave, le Tour d'Andalousie avec Froome qui revient après sa petite affaire. Et le Tour du Haut-Var au basket. Mardi, grosse soirée notamment entre les outsiders à l'ouest, entre les Rockets et les Wolves. Et aussi avec Cleveland Thunder qui sera intéressant à suivre. Et aussi, j'ai noté ce soir aussi un petit Spurs Utah Jazz qui est pas trop mal. J'ai de la boxe, j'en profite finalement. Ouais, j'ai un duel entre Britanniques pour la ceinture WBA des poids moyens entre George Groves et Chris Eubank, et aussi le retour intéressant de Danny Garcia qui est un grand espoir des légers qui revient contre Brandon Nagos. Bon, combat plutôt tranquille mais qui va se remettre pour aller chercher le titre la prochaine fois. Ok, très bien. D'ailleurs, au basket, les All-Stars qui commencent lundi prochain. Ouais, bon, c'est anecdotique pour moi donc je n'ai pas voulu en parler. Rugby. On a dimanche Bordeaux-Bègles Castres. On a aussi la plus belle affiche Racing La Rochelle au Racing dans la U Arena et Montpellier qui se déplace à Yona. Et aussi dernier match à noter le Clermont qui se rend au Loup. En football. Alors le match du vendredi opposera Monaco à Dijon. Les matchs du dimanche, désolé parce que je fais ça en direct, opposeront Nice à Nantes, Lille à Lyon et Marseille à Bordeaux. Ça sera le choc de 21h. Ouais. Quant au match du samedi, on aura droit à un PSG Strasbourg à 17h, Amiens-Toulouse, Angers-Saint-Etienne, Caen-Rennes, Montpellier-Guingamp et 3 mètres pour les matchs de 20h. Et le seul choc en Serie A qui sera à suivre pour le week-end prochain, ça sera le derby turinois entre le Torino et la Juve. Pas si mal cette année. Il y a quand même quelque chose de très important puisque c'est la Ligue des Champions qui revient. Et la Ligue des Champions, désolé. Bah, Manchester City, Juve Tottenham, Real Madrid, PSG mercredi et voilà. Porto Liverpool. Pour la Saint-Valentin. Pas fini d'entendre parler du Real PSG. Le choix est vite fait. En tennis, tournoi ATP, donc l'ATP de 500 de Rotterdam avec Gasquet, Père et Pouille. Il y avait Tsonga mais qui s'est enlevé étant donné qu'il s'est blessé à Montpellier. ATP 250 du New York Open et ATP 250 de Buenos Aires. En tournoi WTA, c'est Doha avec Mladenovic ou encore Cornet qui sont sur ce tournoi-là. Et avant de passer au JO, vous n'avez pas d'autre agenda. C'est bon. Donc, avant de passer au JO, donc biathlon individuel femme 15 km mercredi, 20 km homme donc jeudi. Mastart 12,5 km pour, donc c'est pour les femmes, c'est samedi et le 15 km homme c'est dimanche. Le bobsleigh tournoi à 2 samedi et dimanche pour les hommes. Après il y a plein de qualifications mais je dis surtout les finales hein, parce oui, que, bien sûr, parce que sinon tu t'en sors pas à mon avis. Les combinés nordiques, soit ski plus ski de fond, donc ça sera le mercredi matin. Curling, tous les jours les qualifs et finale le mardi. Hockey sur glace, les gros matchs mardi, donc Canada-Finlande chez les femmes. Mercredi Corée-Japon, donc un petit match géopolitique la chez Corée les femmes également. Réunifié. Intéressant. Jeudi États-Unis-Canada chez les femmes ou encore Suisse-Canada chez les hommes. Vendredi Finlande-Norvège chez les hommes et samedi il y a les quarts de finale femmes et chez les hommes il y a AOR Russie contre les États-Unis donc chez les hommes. En luge classement final mardi, mercredi et jeudi. En patinage artistique je crois que nos Français c'est programme libre en couple, c'est jeudi. Oui. Je crois que c'est ça, un programme libre pour les Français. Short track, compétition tous les jours, excepté le samedi. Là, je peux pas détailler plus. Avec le retour de Thibaut Fauconnet demain, en 1000 mètres. Nickel, parfait. En skeleton, vendredi, c'est le classement final pour les hommes. Et c'est, pour les femmes, c'est samedi le classement final, pour ceux qui aiment le skeleton. Et en ski alpin, quand même, ce qui est important, même s'il m'en reste encore beaucoup après. Combiné. Donc si le vent va bien enfin, ce soir. Cette nuit mardi moi je dis mardi puisque c'est début slalom, enfin c'est combiné homme pardon, slalom femme mercredi, super G homme jeudi, super G femme samedi, slalom géant homme dimanche. Voilà, je pour les étoiles dans les yeux quand tu dis tout ce programme en espérant que ça se ski de fond, sprint classique femmes et hommes, ça sera mardi. Le 10 km libre chez les femmes pardon, ça sera jeudi. Le 15 km libre chez les hommes, ça sera vendredi. Le relais 4x5 chez les femmes samedi et le relais 4x10 chez les hommes dimanche. En ski freestyle, les finales, finale de tremplin féminin vendredi, de slopestyle féminin samedi, de slopestyle et tremplin homme, donc tout d'un coup dimanche. Et finalement, le snowboard final de halfpipe féminin mardi, masculin sera mercredi, snowboard cross où on a des bonnes chances encore chez les Français, en homme jeudi et en féminin vendredi. Voilà. Bravo, t'y arrivé. Juste ouais, dans tout ce programme tout à fait exhaustif, synthétisé en 20 secondes, ce qu'il y a cette nuit exemple. Et demain pendant la journée vraiment d'importance, hein, je ne vais pas citer les horaires ni rien, peu importe, mais dire qu'effectivement à suivre pour les amateurs de Jeux Olympiques, il y aura le combiné effectivement cette nuit, c'est que des épreuves que tu as dites, mais grosse chance de médaille. Voilà, avec une grosse chance de médaille éventuellement pour Alexis Pinturo, qui aura deux bons matchs de hockey sur glace, Canada-Finlande et chez les filles, et États-Unis-Russie chez les hommes, et le Halfpipe chez les messieurs comme chez les dames, qui est une épreuve très spectaculaire. Ce que j'ai dit mardi et mercredi. Oui, mais bon, c'était, tu vois, il après, voulait mettre la lumière dessus. Faire un petit résumé, parce que sinon là on se perd, il y a trop de trucs dans la semaine, donc c'est pour dire ce qu'il y a à voir dès demain. Il voulait recentrer. Très bien. Pronostic, ça sera Real Madrid PSG forcément. Ah, surprise, tiens. On va rapidement, on commence Guillaume pas. D'ailleurs. 2-1 pour le Real Madrid. J'espère. Théo. 2-0 PSG. 2-0 PSG. Ouf. Yacine. Oh, t'enflammade. 2-2. 2-2. Ah, la confiance en Real Madrid, c'est ouf quand même. Bah, ça reste le taulier quoi. Romain. C'est pas une confiance, c'est les patrons. C'est légitime. De la Ligue des Champions surtout. 2-1 pour le Real et moi je mets. Romain qui me suit. Je mets 1-0 pour le Real. Oh là, ouais, je suis final, hein. Je suis le seul. Et je signale juste, dernière chose, dernier choc jeudi, j'avais oublié Lyon-Villarreal à suivre. En Europa League. Match avec Europa League intéressant. Avant la réaction de Lyon. Au niveau du classement, on a parié dans ma boîte, j'avais dit 2-1, donc je change pas mon pronostic. On a vendu, au niveau du classement pronostic, personne pour Pouille qui avait pronostiqué. 3 points pour Paul d'ailleurs, qui avait pronostiqué pour. C'était quoi l'autre? Ah oui, c'était Lyon-Montpellier en Coupe de France, qui a eu le bon score exact. Et 1 point pour Guillaume. J'avais pas mis aussi. Si t'as mis Lyon seulement, du coup, 1 point et Vincent aussi. Donc classement Théo toujours premier 8 points, Yacine et moi donc deuxième égalité 7 points, Dimitri troisième 6 points, Guillaume Vincent 5 points, Romain Tim 4 points et les autres Sylvain Anto, Thibaut Paul 3 points. On sent rien en prono avec Tim. Les remerciements, je dois faire un remerciement rapide, je suis désolé parce que là j'aurais pas beaucoup le temps. Un petit collectif composé de jeunes étudiants nommé Classic Football Kings. Nous voulons donc de lancer donc et de créer une page Facebook autour du football. Notre page est fortement influencée par le rétro football et les footballs des années 2000. Les Oscars qui sont... Avant de mettre en avant donc ces années, il nous semblait évident de mettre donc en avant l'avant-réseaux sociaux, ce qui signifie que certains joueurs de cette époque se retrouvent oubliés par cette nouvelle génération. Donc ils ont fait plusieurs interviews, hein, Frédéric Roux, Cédric Fauré, René Malville, supporter emblématique de l'OL, Fousni Diawara, Nabil Taider, Sébastien Piocel et prochainement Habib Bamogo, donc des anciennes gloires. Habib Bamogo. Les grands noms. Et donc je vous conseille d'aller voir leur page Facebook Classic Football Kings. Ils ont besoin de personnes de personnes à regarder leurs articles forcément, et de personnes à aussi à rédiger, à trouver des interviews pour la survie de cette page Facebook. Courage, voilà. On va mention spéciale à la fourberie du membre parisien de l'équipe du Sport & Chill qui m'a battu sur une valise à nanar, voilà. Ça ne déçoit pas d'un parisien. On remercie mes chroniqueurs ce soir, malgré qu'on a encore fait on a encore beaucoup parlé ce soir. Durable. Mais je les remercie quand même de cette belle émission. J'ai eu peur. La qualité était là. Et surtout la technique. On vous arrête pas, vous êtes trop chaud ce soir. Et surtout la technique. C'est Arnaud, voilà. on est désolé. On va finir sur le son de la semaine. On vous a entendu, petit son officiel, c'est l'hymne des Jeux Olympiques par John Williams. Merci Tom. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Restez parce que juste après c'est du sucre dans la machine à laver avec Vince le scalpel, émission spéciale Saint-Valentin. Oh là, ça a les chances, ça. On va se régaler.